Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh, oui. Oh bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast comme à l'accoutumée. Je suis avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Ça va bien. T'es ça bien là ce bien, matin? Ça va tranquille. Ah, ça a baissé un peu. Ah non, non. Non, bah non. Ah oui, ok. Je sais pas ce que j'ai dit la dernière fois. Si, j'avais dit. Non, non. Ça dit... m'étonnerait que j'ai dit que j'allais très bien la dernière fois. Ou même dans ces 10 dernières années. Je pense que. Non, ça va. Ça va. Tout roule le printemps. Ouais, ouais, mais c'est vrai que tu. Thomas, tout roule, j'ai envie de te dire. Le présentateur à l'américaine. Oui, oui, bien sûr, Jimmy Fallon français. Bah, oui, oui. Mais c'est Thomas Touroud. Thomas Touroud qui avait fait le bifort, il avait dansé ouais. Et tout le monde disait show à l'américaine. Alors, bon, il avait dansé quoi, c'était pas non plus. C'est bien, mais c'était pas. C'est, et mais il est aujourd'hui très connu pour le même. Ah, tu t'es fait mal là. Ah putain, alors là, je l'ai pas par contre. Oh, moi j'ai A, non, tout court, le même A. Mais moi je n'en même pas de Koh-Lanta. Denis Brugnoir. Il veut se faire appeler comme ça maintenant. Denis Brugnoir. Il a demandé, ouais. J'en ai entendu parler. C'est dans le contrat. Et il le prend très mal quand bah, il dit Brugnoir. Il pète un câble. Ouais. Bien sûr. Il attaque en justice directement. Nous sommes avec deux invités. Notre première invitée est comédienne, autrice et réalisatrice. Vous avez peut-être vu dans les séries Killer Coaster, Luther ou Derby Girl, ou au cinéma dans Banlieusard ou Mon Héroïne. Depuis quelques mois, elle fait le tour des festivals où elle repart rarement les mains vides avec Allez ma fille qu'elle a écrit et réalisé. Et d'ailleurs, travaille peut-être sur quelque chose dont elle va nous parler. Chut, n'en disons pas plus. Floodcast, premier sur l'info, c'est Chloé Joannet. Ouais. Salut. Bon, attends, Chloé, ça, tu peux descendre un tout petit peu ton micro. Mon pour micro l'avoir bien devant ta bouche. Luther. Pas de problème. Luther. Luther, une série qui s'appelle Luther. Une série que j'ai fait il y a quelques années. Mais c'est pas Luther avec Idriss Elba. Bah c'est l'adaptation. Non, c'est l'adaptation. Ah ok, d'accord. Il pouvait pas. Il était pas dispo. Comment ça va, Chloé? Eh bah écoutez, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Mais on est ravis de te recevoir. Je disais. Bah toi tout à l'heure avant qu'on enregistre Florent, que... Florent ouais. Oui ouais, bah, Flo mais je disais lui, que voilà je vais devenir un peu cool là pour mes potes pendant un petit temps de faire ça. Mais c'est ce que et ce que je t'ai répondu c'est attends de faire l'émission après tu oui, t'as les mains sûr. Dedans tu dis ah oui non pas du tout c'est je l'ai fait depuis 10 ans et je suis voilà. Vraiment pas cool non, ça, j'ai d'ailleurs pas de potes donc donc ça fonctionne pas trop, ouais. C'est vrai que c'est peut-être pas dingue. C'est une cata. Notre deuxième invité est humoriste, auteur et comédien. Il est derrière le best-seller La prochaine fois tu mordras la poussière, en ce moment adapté au théâtre. Nomination au Molière, j'ai vu récemment pour l'acteur principal. Félicitations à lui. On l'a vu dernièrement dans Les Enfants sont rois, Enterrement de vie de garçon ou En place. Il est sur tout simplement toutes les plateformes. Et prochainement dans le film Banger sur Netflix, mais surtout sur scène, qu'on va le voir en 2025-2026 avec son nouveau spectacle Entre les deux. C'est pas mal complet, mais il reste encore des places pour 2026. Puis Paris, à Bobino du 23 septembre au 4 octobre et l'Olympia l'année prochaine. Il fait tellement de trucs qu'il sort même en livre l'adaptation de la pièce de son livre. On peut plus l'arrêter. C'est Payanotis Pasco. Ouais. Ah là là, t'as expliqué ce glitch de fiscalité. Et là, on va bientôt adapter au théâtre le livre ouais, adapté de la pièce du livre. Et c'est un money glitch ouais. Infini. Et c'est de voir jusqu'où tu peux aller 70 ans, avant qu'on dise. Mais attends, il y a une limite à un moment. Que... Comment ça va, Payotis? Tout va bien? Ça va et vous? Bah écoute, on est très content de te recevoir. C'était il y a longtemps. T'es avec Anis la dernière fois que tu étais venu. Exactement. Ouais. De... Et depuis Anis. C'est terminé, hein. Et comme quoi il nous manque d'ailleurs. Ah bah c'est qui bah on peut lui dédier, on peut lui dédier. C'est un ami à moi qui. C'est un ami qui est humoriste et auteur. Il okay. Est en stand-up. On l'a reçu la semaine qui était. Ah mince. Non. Qui était un ami. Qui c'est terminé. Les choses bougent très vite. Ah, ouais, c'est ce qu'on appelle le game. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Exactement. Avant de commencer, Dominique Bessner. Ouais. Non, je sais pas, le game, c'est ça, non? Ouais. C'est ça. Pendant des années, c'était le game. C'était le mec du game. Le game, c'est ça. Avant de commencer, Panayotis, je tenais à m'excuser. Ah, un truc que je... Eh oui. Voilà. Je tenais à m'excuser. Alors t'inquiète pas, c'était, on s'est rencontrés, je sais pas si tu t'en souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés. Bien sûr, sur une péniche. Sur une péniche en fin 2001, Golden début Show. 2012, il y a très longtemps. Ah, ouais. Moi aussi. Golden Show. Ah ouais. La première fois que je t'ai vu. C'était le même soir. Je sais pas. Peut-être, parce que... c'est possible. Oui, qu'est-ce qu'on avait ri, je me souviens. Ouais, c'était génial. Cool, hein, ah, là, là. Il y avait Céline Tran. C'est ça. Entre autres. Et j'étais comme un foufou, moi. Bah, oui. Bah, mais t'inquiète pas, je vais pas lire. J'avais pas baisé. Hein. Encore, et donc j'étais. Mais c'est fou, hein. T'inquiète pas, je vais pas faire ce truc géant de lire tes vieux messages parce qu'on s'était parlé ensuite derrière. Ah ouais, mais en revanche, je vais m'excuser car, comme tu peux le voir sur la fin, j'ai commencé un peu à ghoster. C'est voilà. Je suis désolé. Alors attends, je pensais que c'était le contraire, c'est affreux. Non, mais surtout que j'étais pas du tout connu, moi. Enfin, je suis pas beaucoup plus, mais j'étais stagiaire au Golden Show. Et quand même, au bout d'un moment, j'ai lâché. donc voilà, je tenais à te présenter mes excuses. Non, tu j'aime autant te dire que maintenant il répondrait. À la seconde. Mais c'est quoi les messages? Oui, tu répondais pas à quoi? Parce qu'ils avaient l'air quand même très très courts. J'avais. Bah c'était salut, salut, salut. Salut, tu joues à la play. Non, mais attendez, tu portes quoi au début? Je répondais de ouf, hein. Ouais, chacun sa vision. Ouais, chacun. C'est Insta. Attends, t'envoies des messages à 4h du mat. Attends, je répondais. Je te jure. Attends, t'avais 12 ans. 2h50. Bah donc pas 4h. Ouais. Je te jure. Regarde, 23h12. Non, pas du tout la même. Pas du tout. Moteur avec de l'aplomb, quoi. Ah, je te jure, regarde. Midi. Regarde. Enfin, ça tu n'as jamais écrit, mais bon. C'est comme si tu m'écrivais à 4h. Mais tous tes messages étaient de nuit, tu vois. Minuit et demi, minuit 15. Mais parce que j'étais très insomniaque, ouais. T'étais un oiseau de nuit. T'étais ultra. J'étais pas un oiseau, j'étais un enfant, mec. Fais gaffe à ce que tu dis. Pour moi, t'avais des plumes. Oui. Mais non, mais t'étais hyper jeune là, t'avais genre quoi, 14 ans? Ouais, bah j'habitais à Pandouf en Essonne et j'étais un gamin un peu solo et j'adorais les gens qui faisaient des blagues. Ah ouais. Et du coup, j'écrivais de ouf à des gens qui faisaient des blagues et au fur et à mesure, il y a des gens gentils comme toi avant le gate, avant le melon. C'était beaucoup de non, mais alors pour tout dire, toi que tu me posais des questions, je n'avais pas la réponse. Tu me demandais des trucs où je savais pas de quoi te dire. Je disais, mais je ne suis pas dans ce milieu encore. Il est où, le clitoris? Ah, mais je ne peux pas t'aider. J'ai vraiment 14 ans et j'en sais pas plus que toi. Et donc en fait, c'est je venais à des petites soirées comme ça où des gens m'invitaient et à chaque fois, je donnais ma petite carte de visite. Oui, c'est vrai. Des petites interviews. C'est vrai. Et de fil en aiguille, du coup, on m'a proposé des castings. Bah ouais, mais c'est trop stylé parce que c'est rare de croiser quelqu'un. Avant qu'il fasse son métier artistique et tout, moi j'y repense avec sourire et nostalgie. Tu vois, il y a un truc un peu mignon, je trouve, c'est cool. Mais il y avait une détermination déjà. Mais tu déjà. Lui as pas répondu, donc c'est pas plus hyper mignon. Ouais. Quand il envoyait des messages à 5h du matin, c'est qui le plus fort entre Gandalf et Dumbledore? Je te jure, regarde, à 5h du matin. C'est qui le plus fort entre Gandalf et Dumbledore? Bon, laisse-moi dormir en fait. Non, mais. Malheureusement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les questions que je pose. Alors, comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. De quelle nouvelle fonctionnalité va être dotée la prochaine mise à jour des AirPods? Traduction simultanée. Direct. Très bonne réponse de Panayotis Pasco, mais si. Oh bah, les écouteurs traduiront. Ouais, fin de l'émission. Bon, désolé que. Mais pas ceux qui promos, des trucs un peu déçu du coup. Oh non, je suis deg. Eh oui, j'allais dire déjà, moi, juste de marcher quand tu passes un coup de fil, quoi. Ah, faut que je me rapproche. Parler dans le micro, c'est mieux. Ah, c'est peut-être pour ça que les coups de fil fonctionnent pas dans les AirPods. Faut les mettre dans les oreilles, hein, si jamais. Peut-être un petit problème technique. Je comprends pas, on les tient bien fort dans la paume, on serre. C'est vrai qu'on a le réflexe de se tourner vers les gens et du coup la bouche. Mais ça, attends, il dit ça, il a 10 ans de radio. Hein. Ouais, bien sûr. C'est un professionnel qui parle. En fait, non, mais, comme ça. Mais ça sent la transpiration un tout petit peu le micro. C'est soit ça, soit le cul d'Yvick. Ouais, malheureusement, Yvick a pété parfois dans un micro. Mais on sait pas lequel. On sait pas le tien où tu disais qu'il était déchiré. C'est possible. Selon Bloomberg, une mise à jour logicielle prévue pour 2025. Lié à iOS 19 permettra aux écouteurs de traduire en temps réel. Ah oui, donc c'est une mise à jour. Oui, c'est une mise à jour d'iOS en fait, pas c'est des ça. AirPods. Pas... En captant la parole, la traduisant et la diffusant instantanément. Alors, Bloomberg se permet, mais j'ai envie de le dire, calmos Bloomberg. Mm-hmm. Et l'idée n'est pas révolutionnaire. Google joue déjà dans cette cour avec ses Pixel Buds qui permettent une traduction instantanée depuis plusieurs années. Ouais, bah ça c'est l'habitude, c'est comme d'hab quoi. Arrive d'abord sur Android et après ça arrive sur Apple. Bah apparemment c'est ça. D'ailleurs, c'est avancé une course à l'innovation où Apple tente de combler son grand retard. Apparemment, moi j'y connais rien en tech. Apparemment, Apple c'est des ringos. Actuellement, on est au AirPod. Bah, c'est ce que dit Bloomberg. Généralement, oui. Mais Bloomberg, c'est pas des ringos. En termes de technologie, il y a toujours des trucs beaucoup plus avancés sur Android. Et ouais, ça arrive après. Genre là, sur Android, il y a déjà des téléphones où la caméra frontale, elle est derrière l'écran, mais tu vois rien quoi. Ah ouais. Et ça, sur iPhone, t'as encore la barre noire et tout. Ah quoi. Oui, mais alors, vrai débat. Et je suis jamais rentré dedans, j'ai jamais plongé dedans. On va pas te juger, franchement. Où est le clitoris, les gars? Non. C'est un mythe. Ok. Non, mais il y a vraiment deux teams, Android et iPhone. Ouais, Apple. Apple, ouais. Bah oui. Deux teams. Mais c'est pas si ça, c'est qu'à partir team, du moment où tu vas chez Apple, tu peux plus jamais ne plus y aller. Ah, ça, c'est le truc compliqué. C'est ça qui est chiant, parce que t'as tes identifiants et tu peux pas retourner sur Android, tu vas perdre des trucs. Non, il y a sans doute des méthodes, mais c'est chiant. Non, parce que mon père a eu un Huawei. Huawei. Il a été touché. C'est une blague sur les Huawei. Ah, okay. Attendez, les Les Huawei. Ah merde, je suis stressé, Lito. C'est ce que tu fais quand quelqu'un t'en offre un Noël. Ouais. Top. Et donc une dobasse Huawei de ton père. Bah non, c'est... apparemment. Non, il l'a encore et franchement, il. Injoignable depuis. Aucune nouvelle. Nouvelle de lui. Ça fait 3 ans, on n'a pas eu de nouvelles, mais. C'est vraiment l'excuse des parents négligents. Mais j'ai un Huawei en fait. Avant, c'était je pars acheter des clopes, maintenant c'est j'ai un Huawei, je suis désolé, je peux pas venir à ta remise de diplôme, fils. Mais en vrai, vous êtes iPhone. Tout le monde est iPhone. Je suis iPhone, mais là en ce moment, je suis un peu en train de me dire. À l'époque, je me souviens, t'étais plutôt quelqu'un qui était. Moi, je veux pas aller chez Apple. Non, mais. Non, ça, jamais. Il a une répute de. Mais à l'époque. Genre, non, je disais juste, Adrien, je suis sur Android. Il a tout chez Apple. Maintenant, mais je te dis, tu sais, moi, c'est un iPhone. Il a l'iPhone, il a l'Apple Watch, il a l'iPad. Attends, j'en dirais une vieille personne quand je parle. C'est fou les IA en ce moment, Chloé, non? Je trouve pas. J'adore. Non, là, on peut jamais savoir. Hier, d'ailleurs, j'ai cramé quelqu'un qui m'avait envoyé un texto avec une IA. Et ça m'a vraiment. Mais qui fait ça? Parce que maintenant, il y a un nouveau truc où quand tu demandes, genre, écris-moi ce texto pour dire ça, ça, ça et ça, il te le met en merde, en épais. Tu sais. Oui, parce que ça garde la oui, en bold. En bold. Ouais, en gras. Ouais. iPhone est en anglais. Et donc, le gars qui m'a répondu hier, c'était en bold. Et donc, du coup, je me suis dit, il a juste fait un copier-coller de ça. Ah, wow, c'est ouf. Et ça nous éloigne vachement des relations humaines. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Mais on y passe en deuxième partie d'émission. On y a un débat autour de ça. On reçoit des auditeurs, ça va être super. Non, mais c'était pas. Non, mais l'époque, tu avais un ordinateur Vaillot, je crois. C'est vrai. Et oui, tout simplement. Vaillot, c'est Sony. Voilà, et tu disais. Non, oui, moi, un ordinateur Sony, on n'aurait pas fait non plus. Ouais, c'est vrai, non, mais... ils ont pas fait la PlayStation juste Sony. Non, quoi. C'est pas des ordi. C'est vraiment un ordi juste que tu branches sur une télé. Quoi. Oh, putain, j'ai trouvé un endroit. C'est imperméable. T'arrêtes pas de dire que j'étais un fasciste d'Android. Non, j'ai dit un fasciste tout court. Ah oui, ah bah ça. Par rapport à ça, oui, on va en parler. Moi, j'associe vachement les Android avec les Bermudas, par exemple. Les Bermudas, ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire? Un mec, pour moi, qui a un ordi gros, gris, avec plein de trucs, il a un Bermuda et des birks en été, quoi. En hiver, ou des photos, en hiver avec criminel. Des chaussettes. Oui, oui, c'est ça. Attention. J'ai mis mon doigt dans un engrenage. J'avais juste un Sony Vaillot qui était une belle merde, d'ailleurs. Je tiens à le dire, il est tombé en panne très vite. Non, mais en ce moment, Android, j'ai un. Déjà, c'est un peu dans ma démarche d'essayer de m'éloigner des grosses corporations, comme tu l'as dit là, tout à l'heure. Des États-Unis. Non, et en plus, il y a un truc qui me fait rêver, c'est que là, maintenant, il y a les téléphones qui se déplient. Genre, c'est comme un iPhone, mais tu le déplies et tu peux la tablette, le poser en fait. Partout. Ouais, non, ça, c'est une stylé. Tablette, quoi. Et c'est fou, ça me fait. Ah, qui se déplie, qui fait plus s'ouvre. Grand. Ouais. Et ça te fait un énorme fait écran. Écrans, ah, parce que les Sony, les flip phones. Mais quand il est déplié, t'as pas la marque du pliage. C'est. Ça se voit quasiment pas, ouais. Et là maintenant, et ils si ont c'est sorti. Que ça qui t'en. Enfin, ça peut te rendre folle. Genre, s'il y a la marque du pliage. Moi, ça peut me rendre ouf. Ouais, d'accord. Mais vraiment. Elle repasse en soi. Non, mais vraiment. Non, mais en plus, là, ils ont sorti le premier qui se plie en 3 du coup. Donc là, t'as vraiment une tablette dans ta poche. Dans ta poche, ça doit être hyper épais quand c'est. En vrai, maintenant, ils font des. Enfin, en fait, comme ils répartissent tous les composants vraiment sur les 3. Et si t'es vrai, pas content relativement... d'un texto, tu peux le réduire en boule. Dans la mer, tu le jettes. Dans la poubelle, comme ça. Non, non, mais. Parce qu'en fait, le vrai problème des téléphones, désolé, c'est l'instant tech apparemment. Mais il adore mais ça. En fait, quand il se plie juste en deux, ouais. En fait, l'écran est carré du coup, quoi. Donc c'est un peu nul. Oui, bien sûr, tu peux rien mater. Donc en fait. C'est naze. Ouais, ouais. Mais là, maintenant, ça, t'as vraiment un iPad mini quand tu le déplies, quoi. Donc là, ça devient pas mal. Ok. Tu penses qu'Apple ils vont faire ça aussi? T'applaudis ma chronique. Et bah je fais juste un jeu si je me permets je t'en conjure. De foutre mon doigt dans cet engrenage. Mais cet engrenage m'excite. À un moment faudra l'enlever hein, Oh non, je retire jamais mes doigts bonhomme. Non, en fait j'ai acheté un dumbphone. Mais ça fait 6 mois qu'il doit arriver là. C'est quoi? J'ai vraiment envie d'essayer. Tu sais les portables écran à encre. Ah le minimal phone. Ah ok, c'est pas. Et en gros, t'as pas les applis tout ça. Putain. Si, t'as quand même les applis. Tu les as, mais c'est un écran à encre avec un clavier en mode à l'ancienne, quoi, comme les portables un peu pour les enfants. Et j'ai envie vraiment de tester ça parce que j'en peux plus moi de. Alors j'en parlais avec Freddy l'autre jour, lui il a des grands le pauvre, il a rien demandé mais il a des grands 12 heures par jour sur écrans et tout. Je suis à 5-6, c'est aberrant, c'est mais t'as une application, moi j'ai mis une application. Ouais, mais j'arrive pas. Bloque. Mais oui, mais je vais la débloquer de temps en temps quand j'ai vraiment ça, c'est une drogue. Alors, mais Adrien avait une drogue. Adrien avait trouvé une appli où tu peux même pas la débloquer. Si tu payes. Oui. Tu payes, je crois que c'est 1 ou 2 euros par mois pour débloquer. En gros, ça c'est assez. Mais c'est Adblock. Non, c'est pas ça. Non. Elle s'appelle Jomo, J-O-M-O. Et voilà, elle pleure. Pardon. Elle s'appelle Jomo, J-O-M-O. Et en fait, il y a la version gratuite où tu peux bloquer, mais effectivement, tu peux débloquer comme tu veux. Mais si tu payes, je crois que c'est 2€ par mois, et que tu actives le mode strict, tu ne peux pas désactiver les règles, tu peux pas supprimer l'appli. C'est vraiment bloqué de chez bloqué. Et d'ailleurs, quand j'en avais parlé la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire, moi j'ai ça, une autre appli, qui, en gros, parce que le mec avait un problème d'addiction aux jeux en ligne, jeux d'argent quoi. Ah ouais, et en gros, lui, il a installé un truc, genre s'il veut désinstaller le truc qui bride son téléphone, il doit le réinitialiser complètement son téléphone. Ah ouais, il peut rien faire. C'est vraiment un truc d'addiction, mais c'est terrible qu'on en soit. Enfin, je parle pas pour lui, mais pour nous de juste aller sur Insta. En plus. C'est une perte de temps en plus. Tu te mets 2 secondes dessus et après tu fais putain, mais ça fait 45 minutes que je regarde des vidéos de chiens mignons. Et encore 45 minutes, c'est. Enfin, moi je serais content. Enfin, là maintenant c'est la durée de mes caca maintenant. Je regarde des réseaux en même temps. Je scroll plus du tout, moi. Mais toi, t'as carrément enlevé Insta de ton. Non, j'ai Insta, mais j'ai justement l'appli là et j'ai mis une limite. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc psychologique quand t'atteins ta limite, tu te dis ah là je suis en train de faire des heures sup, j'aime pas quoi. Non mais c'est terrible. Ah putain. les yeux. Bonne conclusion. Un point final qui m'a glacé le sang. Non, mais il t'a mis la main sur la main. J'ai vu tellement terrible, de je sais pas de d'animaux faire des trucs. J'ai tout vu, je pense, sur les animaux. Ouais. Et c'est quand la dernière fois que t'as vu un animal pour de vrai? Mec, je m'en souviens même pas. Et un clitoris. Et alors un clitoris d'animal, mon pote. Non mais ils en ont. Ça doit être très peu utilisé dans le monde animal. J'ai jamais vu des animaux baiser en mode pour le plaisir de la gonze. Ça n'est jamais arrivé. Les singes ont un clitoris, en tout cas. Oui, mais est-ce qu'il est utilisé par les hommes singes? Les singes, ils se masturbent donc. Les mille pattes, je crois. Ils ont mille clitoris. Un mille clitoris. Un mille clitoris. C'est un mille clit. Oh mon dieu. C'est malheureusement le titre de l'épisode. Non mais il y a des applis folles. Enfin, j'essaie de bloquer mais j'arrive pas. Donc ce minimal phone là, j'aimerais bien que écran à encre, je trouve qu'il y a un truc moins. Mais moi j'ai acheté j'ai acheté une liseuse mais format téléphone. Et c'est pareil, c'est sous Android mais donc écran. Et t'as accès à d'autres applis dessus? J'ai tout, c'est vraiment Android. Ah c'est ouf. Mais écran. Je pourrais te prendre le hors cam. Bien sûr. Ok. Avec plaisir. Parce que moi je veux juste dans la rue, tu vois, pouvoir commander un taxi, un truc quand j'ai pas l'adresse, regarder. Mais et je trouve qu'il y a pas ce truc-là encore. Il y a soit des dumb phones vraiment dumb où tu peux rien faire. Ouais. Soit des phones quoi. Ouais. Des smartphones quoi. Voilà. Ouais. Des smart. Mais en plus moi j'adore. Je viens de capter dumb phone. Ah bon. Putain, mais moi aussi je viens de capter. Je savais pas que c'était l'inverse. Malin. Quoi qu'il les insultait quoi. Je viens de capter genre. En même temps. Ah ouais. Mais en tout cas, il y a une appli où quand tu veux débloquer Insta, si c'est bloqué, tu dois sucer 12 gars. Ah ouais. moi je peux te dire que. Imagine, t'arrives à 11 et t'as la flemme, ça se débloque pas? Non. Tu as accès 10 minutes. Quand t'es à 11 normalement. Oui, c'est gros débat. Et le niveau dessus, c'est tu dois trouver le clitoris d'une meuf et genre moi je suis plus allé sur Insta depuis 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai rien posté. J'ai racheté un fax. Il est 9h30 pour qu'on soit tous beaufs. C'est moi qui ai mis cette vibe. Ah, c'est toi. Mais t'inquiète pas. On parle un peu de Kant, de philosophie. Ouais, moi j'avais un truc sur Jean-Paul Sartre, mais je raye. Et la preuve, les deux philosophes qu'on cite, c'est vraiment les basiques de chez basiques. Mais moi j'adore le rendu du. L'écran à encre. Ouais. C'est trop beau. C'est un petit peu nostalgique. Il y a un côté un peu. Futur des années 70, je sais pas comment dire. Futuroscope. Genre Jacques Tati qui fait un Playtime un petit peu, effectivement. J'adore. Et une dernière chose sur le téléphone, vous avez pas l'impression que du coup on regarde tout le temps avec genre Maps où on va et qu'en fait quand t'as plutôt de téléphone. Je ne me repère plus dans Paris. Récemment, je me suis fait voler mon truc pour poser mon iPhone sur mon vélo pour regarder où j'allais. Et je me rends compte qu'en fait, je connais plus Paris. En vélo, tu deviens dangereux. Parce que tu fais, oh là, ça, c'est un sens interdit. On est si peu de choses, quoi. Tu vois, moi, c'en est au point où je me dis, je n'arrive plus à me souvenir comment je faisais avant. Pour me déplacer avant un téléphone quoi. Tu mémorisais, c'est ça qu'on faisait? Le trajet, je ne me souviens pas. Ceci dit, parfois quand je croise des touristes et qu'ils me demandent leur chemin, j'ai vraiment un truc de Oui, oui. De vos téléphones, quand même. Moi aussi, je suis pareil. Donc, à chaque fois, c'est nul, donc je sors mon téléphone. Et je cherche et je fais. Bah, du coup, c'est là. Ils prennent mon portable, ils partent avec, c'est toujours relou. Mettre une petite frite. Mais ma mère, elle fait que ça. À chaque fois qu'elle vient à Paris, elle me dit tu me diras l'itinéraire au téléphone. Elle a un portable et tout. Elle sait l'utiliser. À chaque fois, je dis mais tu tapes l'adresse et tout. Elle est en mode non, mais je sais pas. Vous avez ça aussi chez vos parents quand il y a des trucs technologiques pas. Où ils ne veulent pas apprendre. Non, me regarde pas. Vraiment, t'as regardé. Mes deux parents sont morts, c'est pour ça. Mais t'as regardé la pire personne. Ah, je suis navré. Il y a aucun problème. Enfin, je suis navré. Je suis pour rien. Hein, pardon. Mais bah, c'est louche. C'est horrible. C'est le sujet numéro 2. Mais ceci dit, on parlait des intelligences artificielles. Je suis un peu ce gars-là, moi. J'ai un peu un truc de. Oh, je veux pas m'y intéresser tout de suite. C'est vrai que c'est ton truc de vieux. Mais c'est fou ce truc. Même quand je lui montre une image faite avec une IA et tout, il fait. Non, je m'en fous. Oui, j'ai un verre de pastis. Je me dégueule dessus, je crois, de mémoire. Hein. T'as une belle image de cette génération, en tout cas, c'est chouette. Mais ma mère, le copier-coller, j'arrête de te regarder, je suis navré vraiment. Non, mais ça va. C'est juste que vraiment, tu me regardais moi, genre vos parents et tout. Ma mère vivante, enfin, pardon. Le pire scène de peur, vous avez jamais remarqué quand vos parents. Que des orphelins dans la salle. Non, mais ma mère, elle ne veut le copier-coller. Mais il y a des trucs qu'elle sait faire de ouf sur. Elle m'aide pour la compta. Elle fait des trucs que je ne sais pas faire dans sur des ordi en compta. De ouf. Bah ouais. Copier-coller, elle ne veut pas apprendre. Clic droit, CV, pomme. C'est ouais, ou contrôle, contrôle, contrôle, contrôle. Pardon. Bah, contrôle, il y a des raccourcis. Il y a des raccourcis. Elle veut contrôle pas apprendre ça. Ouais. Mais et à chaque fois, quand elle est à la campagne, soit elle m'appelle, si je suis pas là, elle va voir mon père pour lui demander comment on fait un copier-coller. Ah ouais. Et ça me. Peut-être elle se met un post-it avec écrit pomme C, pomme V. Non, elle ne veut pas. Mais c'est ça qui est fou. Tu sais, ça devient un combat personnel de. Il y aura toujours du monde. Mais le jour où mon père va mourir, tous les SMS pour prévenir les gens qu'il va être mort, elle va devoir copier. Elle va devoir réécrire à la main chaque ça SMS est très long, de très long. Papa est parti. Et vous, il y a pas ça des trucs où vous dites bon ça jamais ça m'intéresse enfin tu vois de refuser de prendre le train sur certains trucs justement. Ah non pardon, j'ai le temps, rien à voir, mais moi ma mère elle a sorti un truc exceptionnel la dernière fois. Elle revenait d'un voyage je sais plus où et elle m'a dit putain la street art c'est quand même super. La street art. Et vraiment je me suis dit c'est à la fois touchant et en même temps c'est un peu ça te dégoûte. Ça me dégoûte mais mais en même temps, elle a découvert le street art quoi. Mais la street art. La street art. Mais en plus, la street art, c'est très vaste. C'est comme si tu dis la musique. C'est bien. c'est très vaste. Oui, il y a plein clair. De choses différentes. Quoi. Le cinéma, c'est. Ouais. Ceci dit, moi j'avais un nom qui disait oh, moi la musique, j'aime pas. Et je trouvais ça fou de dire la Mon musique. Mon père dit ça. Ah, mais tu vois. Mon père, il me dit j'aime pas la musique. Mais je crois que maintenant, il fait juste ça parce que c'est le seul mec d'une famille de meufs et il veut juste, je sais pas, être un faire son malin, tu vois, pour qu'on l'écoute et personne l'écoute. Comment les hommes blancs. Essaye de se distinguer, tu sais. Bah, moi j'aime pas la musique, je suis un mamoule. Mais bon, allez, arrête. Vous aimez vous asseoir, vous? Ce concept est bizarre, la gravité et tout. Compte jeune. Non, toi, Adrien, y'a pas des trucs là où tu dis bon, bah ça sera pas mon truc. De technologie, genre? Pas forcément, ça peut être plus large. Si, je pense que si, mais. Ça me vient pas là. Bon, écoute, mais j'ai l'impression que je me suis fait la remarque justement, du genre, ah là, ça y est. Je suis un vieux con parce que ça, la flemme de me dire. Impression 3D, tu fais des trucs. Ça, c'est un truc que je ne capte pas. J'arrive pas à rentrer dedans. Ouais. J'ai l'impression que c'est un faux truc du futur et que ça va s'abandonner. Alors que je crois vraiment que c'est. C'est le mec en 92 qui dit le Wi-Fi. Arrêtez, il passe complètement à côté d'un truc. Mais je voyais. Tu bah oui, des c'est trucs vrai que tu sais. Ouais. J'ai voulu lui commander des trucs, mais. T'as pas. Non. Il m'a mis des lus comme toi. Non, pas du tout. Non. Mais je trouve ça fou l'impression 3D de pouvoir faire des trucs que moi, exceptionnel. C'est... Bon là, je suis quand même un peu habitué, ça fait un moment. Mais la première fois que j'ai fait des trucs, c'est-à-dire que t'as appelé, un objet, t'es en train de faire à manger et pendant ce temps, il y a un objet qui apparaît chez toi, quoi. C'est fou. Et après, tu l'utilises, quoi. Enfin, c'est fou. Mais ceci dit, moi, j'ai ça aussi avec les casques VR. J'ai l'impression que c'est une blague d'un futur raté. Les casques VR, tu vois. Je me dis non, mais ça va pas tenir. Donc je veux pas. Passer le truc parce que c'est très cher en plus. Ouais, ouais. Et je me dis non, mais ça, c'est pas un si truc cher. C'est quoi les casques verts? VR. Non, il articule mal. Casque bleu, mais pour les écologies, quoi. Tu dans la bouche depuis. Yo, on a acheté votre papier. Non, mais tu sais, c'est les casques VR. Oui, quand c'est bien prononcé, tu vois ce que c'est. D'accord, très bien. Et bah, à chaque fois, c'est horrible, ça me fout une migraine. Ah ouais? Ah, moi, je peux dégueuler. J'en ai fait un dans un porno. En Suisse. Ouais, bon, allez. Je te jure que c'est vrai. T'en as vu un? Attends, dans non, un elle était dans un porno et elle a regardé un film pendant. J'ennuyais. J'étais sur un tournage. J'étais porno. Dans un porno. La fameuse j'ai regardé Babe, le cochon berger. Non, j'ai un mec qui m'a dit. mets le casque VR, ouais, et du coup je le mets, et en fait je me suis retrouvée dans un tournage porno. Oui. J'étais là, waouh, des gens se sucent sur moi et tout. Ah ouais, ouais, d'accord. C'était ouf. Le, c'est pas le relou, mec se branlait, je pense. Ah ouais. Non mais. Tiens, mets le casque. Alors tu vois quoi là? C'est quoi le bruit que j'entends? Mais c'était le Vision Pro. C'était le Vision Pro. L'Apple la, je ça, je pourrais pas te dire parce que non, vous l'avez testé le MetaQuest. Non, c'était il y a longtemps. Il est, okay, il est c'est assez fou. Ah, ça a l'air incroyable. Testé. Moi j'étais ouais, j'ai testé et bah c'est à un moment il était dans bof. Non, vas-y, hein, vas-y. Non, mais t'es obligé de finir. À un moment ils ont filmé la NBA avec Ah oui, tu peux le mettre genre sur ta table et tu vois les joueurs jouer. Ouais, mais surtout ils ont mis les caméras à 360 sur le terrain de NBA sur le côté. Et okay, tu regardes un match, mais t'es assis et t'es. Ouais. Ça m'a rendu fou. Ouais. Les mouvements de tête, tu vois vraiment. Enfin, c'est comme si c'était toi. Ouais, ouais. Et surtout, tu vois tes mains, en fait. Ça, c'est le truc pour moi, ouais, qu'ils ont bien géré. Et surtout, quand quelqu'un te parle et se rapproche, t'apparais dedans. Donc, s'il n'y a pas un truc où ça te coupe, ils ont merdé sur plein de trucs et c'est lourd et machin. Ouais. Mais je pense. Et t'as pas ces trucs d'échelle chelou? Moi, à l'époque, quand j'avais testé, il y avait des rapports d'échelle un peu chelou où d'un coup, les gens devenaient géants quand ils s'approchaient un peu trop. Non, ah ça, ouais, t'as pas ce truc-là? Non, je sais pas. Moi, j'ai jamais ça, c'est testé les la ouais prévision. Mais... J'étais sous Jean-Pi. Ah oui. Ouais. Ah oui. Mais je pense que ce sera les lunettes, moi. J'ai l'impression, ouais, qu'il y a un combo qui va se faire là entre les méta. Ray-Ban, ils ont fait ça là. T'as ouais vu, ils ont fait les ouais lunettes. Alors, ou mais juste, tu moi, peux ça, mais ça, je trouve ça fou que ce soit légal, moi. Pas dans un truc de oui se faire filmer ils rapport ont, à... Ils non, ont mais quand même juste les dit mais c'est pour ça qu'elle clignote. Comme ouais ça les gens peuvent voir. Oui oui. Ah bah merci. Bon bah c'est bon du coup. Hop ouais, tu casses la LED et c'est bon. Tu ouais peux mettre un gros perve. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison en fait parce que c'est fou. Ouais. Mais est-ce que après tout le monde pouvait faire ça avec un portable vraiment? Oui c'est vrai mais il y en a. Bah, moi j'ai vu des gens faire le bas. Il a relancé sa carrière grâce à ça donc. Ah ouais c'est vrai. C'est comme ça qu'il fait ses vidéos sur. C'est des lunettes. C'est ouf. Ah bah tu vois comme quoi. Trop content Ray-Ban. Who the fuck is Laurent? En Allemagne, Volkswagen s'est lancé dans un autre business que les voitures. Saucisse. Oh la vache, mais il a tout. Mais tu lis l'actu. Mais non, mais on venait de parler des faits révisé, qu'on était, en fait. On était accro attends, aux réseaux sociaux. Oui. Les saucisses. Oh non, mais attends, mais t'es en train de me niquer tout le monde. Je suis désolé, moi j'ai l'habitude. J'arrête d'intervenir, je suis désolé. Non, non, non, mais attends. Tout simplement le business de la saucisse, effectivement. Mais est-ce qu'on peut faire plus cliché par... On dirait vraiment une blague. Et la choucroute. Germanophobe. Ouais, c'est ça. Bah, effectivement, la célèbre entreprise allemande a fait les comptes et en effet, son produit numéro 1 n'est plus la voiture. C'est-à-dire que c'est même passé devant. Enfin, quoi? Bah, ils gagnent moins d'argent parce qu'une voiture, c'est beaucoup plus cher qu'une saucisse. Mais ils en vendent beaucoup. Non, mais lui, en économie, attention. Ah, non, mais prix Nobel. Selon Bloomberg. Ah, oui, ça, c'est pas moi qui parle. T'as traîné un peu sur Bloomberg là. J'ai l'impression. Tu passes des heures sur Bloomberg. Son produit... c'est ton Insta quoi. C'est Bloomberg là, je scroll. J'ai vu une info. En plus, c'est fou. Parfois, je t'envoie. On n'est pas amis, mais parfois, je me dis tiens, ça va être pour Adrien. Tu vois ce okay, que je veux dire ouais, non, mais on n'est ouais pas amis dans le sens où on ne va jamais boire de verre. J'ai cette relation avec tous les gens. Oui, c'est mon ami. Je bois aucun verre avec lui. J'ai vu un truc. Il y avait un article du Monde qui est passé inaperçu parce qu'il y a d'autres merdes. Mais c'était et ça fait vraiment truc d'infos de des gens qui ont accès à des infos différentes et ils voient tous les gens qui. C'est en mode c'est fou, ouais. Apple va lancer leur nouveau produit. Il y avait écrit les scientifiques viennent de découvrir que l'espace arrête de s'expandre. J'étais là. Et nous on est là genre la loi avec le 49.3 et il y a des scientifiques qui doivent péter un câble en ce moment. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que tu veux dire que personne n'a enfin c'est passé inaperçu alors que c'est un truc de fou quoi. Bah c'est genre oui. L'univers arrête de ouais grandir. Il a toujours fait. Tous les scientifiques du monde doivent être en mode "Eh oh les gars, il rétrécit là." Et ça fait vraiment je pense que tiens, il y a des gens qui doivent avoir des canaux de prendre des infos différents des autres et ouais qui doivent voir des infos folle. Oui. Voilà. Bon, il est trop tôt et j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Je m'excuse. Non, mais si. Bah, déjà, tu me l'apprends. Je savais pas que. Bah, ouais, mais pareil, c'est fou. Ouais, pareil. C'est fou. Ah, voilà. Je peux te parler d'où on est l'embrouille Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, mais l'univers. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça, ça qui est trop marrant. Non, j'en sais rien. Je sais. Je t'ai chopé. Attends, quoi? Non, vraiment, ça m'intéresse pas, mais je trouvais ça fou que ça continue encore. Non. Bah, si, apparemment, dans sa tournée, Inès Reg, elle fait des blagues. Elle fait des blagues dessus. Elle capitalise, on dit. Bien ça a vite repris sur Inès Reg, beaucoup plus que sur l'univers. Bah ouais, c'est cool. En même temps, qu'est-ce que tu veux dire sur l'univers ouais, arrêté ouais de grandir? Eh ben, on l'a pas vu grandir. Je l'ai connu, il était comme ça. Et plein de surprises l'univers en fait, hein, quand on y pense. Ouais. C'est un peu un chat. C'est ça. Donc effectivement, la VW Currywurst, autrement dit sa saucisse au curry made in Volkswagen, ils en ont vendu pas moins de 8,55 millions, soit 200 000 de plus que l'année précédente, annonce un porte-parole de l'entreprise. Ça peut paraître absurde. Oui, Mais nous vendons plus de saucisses que de véhicules. Pour se procurer le fameux plat, il faut se rendre dans les cantines et les stands Volkswagen dans la région où est installé son siège social. C'est pas un économiste. Il a dit qu'il se faisait plus. Tout à l'heure, on est d'accord qu'il a laissé entendre que Volkswagen se faisait plus de sous avec les saucisses que les voitures. Non, non, il a en dit qu'ils en vendaient son business. Il a dit qu'ils en vendaient moins. Ok. Il parce que dit, c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. T'essaies de me traîner dans la boue et je le vois, mais ils en vendent plus. Des saucisses. Oui. Oui, bah c'est quand même moins de temps de fabrication. Mais ils font moins d'argent avec les saucisses qu'avec les voitures. Ils font moins d'argent avec les saucisses. Mais l'argent qu'ils gagnent grâce aux saucisses. Mais le jour où ils font une saucisse qui roule. Oh là là, elle est là-bas. Elle est devant ma maison directement. Ou un chauffe hot dog dans la voiture. Tu vois. Wow. Ça serait stylé ça. C'est Pit My Ride. Non mais en vrai. Extrêmement précis. Bah ça serait trop ou stylé. Ou une voiture qui roule à la saucisse. Tu mets des saucisses. une Peugeot de saucisses. Oh. Et pourquoi pas, il est 10h32. On est ensemble sur jusqu'à Radio 11h. Nova. La chronique d'Ariel Wiseman tout de suite. Et donc la coke. Et en fait oui, c'est un peu le même délire comme à Ikea, les boulettes de viande. Exactement. Incroyable. Les hot dogs aussi d'ailleurs. Les hot dogs aussi. Mais ils avaient retrouvé des excréments dans bien les sûr. Boulettes de viande de Ikea. Bien sûr. C'était les miens. Je peux pas expliquer. Je peux pas raconter ça. Mais... Ah bah je suis content que tu le dises enfin parce que j'attendais que tu fasses ton mea culpa. C'était mon mea culpa aussi. Ouais. En fait, quand il a présenté ses excuses tout à l'heure, c'était pour te lancer. Genre, il va peut-être du coup bon, profiter pour les boulettes. Mais elles sont très bonnes. Hein. Elles sont incroyables. Parfois, je vais à Ikea pour manger, moi. Ouais. C'est vrai. De quoi personne fait ça, va à Ikea pour manger. Bah, si, non c'est, déjà, c'est loin de chez moi déjà. T'accompagnes genre un membre de ta famille qui va acheter des trucs et toi, tu fais bah, je t'attends là et tu te fais les petites nope. boulettes. Toi, tu vas vraiment tout seul. C'est quoi le. Je sors de chez moi en me disant tiens, j'allais manger chez photo, Ikea. Et même, j'aime bien les packaging et tout, je trouve ça cool. Ah, mais tu vois, moi, je suis passé totalement à côté de la tendance Ikea. Je n'ai pas ce truc. Plein de gens ont un truc réconfortant. Ça c'est avec pas Ikea, ça. C'est ah non, Ikea, mais ça. Parce que c'est pas cher. Non, il veut dire qu'il ne s'occupe pas de la déco et du. Si, ah, ah, chez si lui. Quand même. Si, si. Oh, je le retrouve quand même dans. Non, mais l'ambiance Ikea. Ça c'est commandé sur internet. Je vais pas chez Ikea en me disant tiens, tiens, tiens, qu'est-ce que je vais m'acheter. Tu sais que c'est la folie. Mais non, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait et je suis pas dans le délire. Parce qu'il n'y a pas des figurines Star Wars à Ikea. Mais non, mais. Genre, tu fais. T'aimes pas trop. Fais-moi le malin là. Écoute, je vais mettre mes mains en vase et tu vas chier dedans. Visiblement, c'est tout ce que je mérite. Ce que je veux dire, c'est que. On en fera les boulettes. Genre ton max de centre d'intérêt c'est ton Dyson quoi tu bon, vois. Allez. Non mais ce que je veux dire. T'es un fan de Dyson? J'aime bien, mais j'en ai un quoi. Mais je l'aime bien. C'est génial Dyson. Je l'aime bien. Dyson ouais, Air. Ah bon? Je suis contre. Non mais pourquoi je suis contre carrément? C'est que je tout le monde que la poussière reste. Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde se branle sur les Dyson genre. Eh, la puissance d'aspiration et tout. Non. Et t'aspires quoi de, mais non, du gravier pas... Mais genre, c'est pas la puissance d'aspiration. C'est hyper c'est plaisant bon. À utiliser. Mais il y a plein de marques qui font la même non, chose. Mais si on aime cette marque. Non mais ça, j'ai entendu déjà. Dire. Mais putain, pas moi bien. Et je vais te dire, Dyson pour les cheveux, mec. Non mais je parle alors, des aspirateurs. Bon. Déjà ils ont fait un Kian, quand il a terminé de tourner Bref 2, il a aspiré ses cheveux avec Dyson. Non mais ça je le connais, il a 10 ans, il a fait pareil avec Apple. Regardez-le aujourd'hui. Non. Vous voyez moi, pas j'ai son un aspirateur, pull, mais... j'ai un aspirateur Shark que t'as acheté sur le bon coin à 2 bien. Euros. Non, oui, mais voilà. Parce qu'il y avait écrit Shark. Tu t'es dit ah, Shark un peu, Ninja, stylé, ouais, Shark Ninja. Non mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est quoi. Ça oui, n'apporte mais... pas. Okay, on... Non, mais ça, c'est vrai que c'est cher. Ah bah tout c'est le monde dit oh la puissance d'aspiration, alors qu'on aspire de la poussière. Moi, vraiment, c'est le truc le plus léger qui existe. Moi, c'est plus un tout. C'est voilà, j'aime bien l'autonomie, le fait que ça se comme ça sur le mur, comme tous les aspirateurs. Et il est bon. Non, mais en vrai, je suis assez d'accord. Moi aussi. Après, c'est le gros débat. Si on aime mettre des sous dans des trucs, c'est le signe extérieur de richesse des gens qui n'ont pas de voiture. Le Dyson. Oh non. Oui, c'est vrai, peut-être. Et que tu peux mettre chez toi. Extérieur de. Oui, je voilà, faut accueillir des gens chez soi. Ouais. C'est pas un signe. Je veux dire, faire un podcast et le mettre alors, à côté. J'ai pas créé le floodcast pour vous mettre. Après, je suis content qu'on en parle. Voilà. Je vous le cache pas. Mais voilà. Si demain tout s'arrête dans vos carrières. Si l'on devait mourir demain. Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Mais moi. Je t'aimerais. Évidemment. Oh. Si demain tout s'arrête, qu'est-ce que serait, ce serait quoi l'autre, si métier, non, l'autre métier que vous pourriez faire. Donc, c'est pas l'autre métier auquel vous auriez pu penser petit, c'est là, vous pensez que vous iriez dans quoi maintenant. Ouais. Alors, moi, je pense que j'aurais. Alors, si aujourd'hui on me disait tu peux plus faire du tout ce métier et tout ça, je pense que j'adorerais être mannequin. Ah ouais, ok. Non, pas du tout. J'aimerais. Non, parce que le but, c'était ça serait quand même de travailler. Non, je pense que j'adorerais être wedding planeuse. Oh, oh, Monica. Tu vois, ah ouais, Monica dans Friends, tu vois, le petit micro, hop là, tac, le saumon à 14h05, machin, l'ambiance et tout. J'adore organiser des événements, des vacances. Ouais. J'adore. Des mariages. Des mariages, ouais. Tu vois. Non, mais même, j'aime bien ça, je, tu vois. Donc, je pense que j'aurais. Je pourrais faire ça ou avoir un petit bistrot. Ah oui, encore autre chose. Mais oui. Pareil, on est quand même dans le recevoir, en fait, dans la générosité, oui. Ouais. De l'humain, quoi, l'amour de mais l'autre. Mais avec quelqu'un qui fait la compta et tout à ta place ou... Ah, bien sûr. Ouais, voilà, ça, en revanche, c'est le seul truc que je sais, je sais pas faire. Mais moi, wedding planeuse, j'ai pas fait beaucoup de mariages dans ma vie, mais j'ai beaucoup de respect. Enfin, j'ai l'impression que c'est de la tension. Mais ça a l'air d'être un non-stop. Métier qui broie les âmes aussi. Ouais, ouais. Bah, ouais, mais j'aime bien. En fait, il y a un côté, je pense que tu dois te prendre un shoot d'adrénaline pour organiser le... Le bah, franchement, jour, le plus beau jour de leur vie, c'est vraiment metteur en scène. Ils n'ont pas divorcé, mais quand même, c'est très joli. Mais sur le moment, c'est joli. Sur le moment, c'est beau. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu comme, tu sais, quand t'habites près de la mer? Tu perds peut-être au bout d'un moment. Les Parisiens qui vont à la mer en mode j'adore la mer, tu perds la sensation de quand tu vois la mer. Est-ce que de voir des mariages tous les jours, au bout d'un moment, tu te dis pas l'amour, c'est mais de la en merde. Fait, après, je pense que je montrais ma boîte, Chloe's Event, tu vois, un bien truc sûr. Comme ça. Ouais. Et donc, du coup, dans ces cas-là, je sortirais un peu, tu vois, je ferais les mariages, les enterrements, oui. Les vies de jeunes filles, ouais. Ou les enterrements. Ah oui, enterrements ah oui. Ouais, bien sûr. Ok, il est mort. Et même les trucs à thème, tu vois, j'aimerais bien. Tiens, on va organiser un dîner. Le thème, c'est. Et voilà okay. Quoi. Bon, je suis pas dans ce fil. On va bosser en tout cas. Cette boîte commence mal. Le thème, c'est un mec avec les cheveux bouclés. Pardon, j'ai pas. Mais ceci dit, le fait de perdre la magie, moi je l'ai eu un peu. J'ai un pote qui s'est marié deux fois. Il y a eu une première, la deuxième fois, vraiment, déjà j'aime pas trop aller au mariage. Ouais, ouais. La deuxième fois, il y avait un truc de bon, là, ouais. Je suis déjà venu une fois, ça n'a pas marché, pas c'est... très envie de me taper l'enfant qui criait au loup, quoi. Oui, oui, oui. Ma grande tante, c'était son sixième mariage l'été quoi. Dernier. Elle ne nous a quoi. Même pas invités, elle a dit non, don't bother. Elle l'a fait avec un casque VR, elle a dit bah, vraiment, elle a dit non, mais là, enfin, pas la peine, quoi, vraiment. Putain, elle a plus célébré de mariage que moi, mes anniversaires. Genre, j'ai eu moins d'anniversaires. Que toi, de meuf. Oui, n'allons pas dans ces évidences, ça rien, c'est bon, tout le monde a capté. Toi, Pana, il y a un truc, tu penses que tu ferais quoi si c'était pas. Après, il fait déjà tellement. Wedding de planner, juste pour écraser ton business. Non, architecte d'intérieur. Moi, j'aime trop. Okay. J'ai, quand des potes ont des trucs et qu'ils veulent, j'adore ça et j'aime trop trouver des matériaux, trouver les gens pour faire. Mon nouvel appart, là, j'ai fait les plans et j'aime trop ça m'excite trop, j'aime trop ça. C'est un truc que j'aimerais trop savoir faire. Ah putain, moi aussi ça me ça, passionne. Bah là t'aimerais aller à IKEA peut-être. Bah non, là c'est plus un... ouais, mais le fait de tout construire ton chez toi de mais faire début, les c'est... plans, ouais, c'est là, je poserai une question après, c'est pas intéressant. Mais je en fait il y a un jeune architecte qui est en école d'archi et du coup, je travaille avec lui, tu sais, genre je fais des vieux dessins de merde, après il les fait en 3D, on fait les modifs et tout. Et j'adore sourcer, tu sais, les matériaux et tout. Je trouve j'adore ça. Ouais, ça me détend et je trouve ça vraiment cool. Tu aimais jouer aux Sims ou pas du tout? Non, non. Parce que ça, pour le coup, c'est les débuts de ça. Moi, les Sims, c'était que ça que j'aimais. Ah ouais, construire les maisons. Oh, après, quand moi, il fallait pareil. Faire leur live, je m'en foutais. Mais construire les maisons, créer les salons, les chambres, les trucs, ça, je kiffais de ouf. Ah ouais, moi, j'adorais faire ça. Et après, tu fais des trucs d'adultère entre eux, ils s'engueulent de ouf et tout. C'est trop bien. C'est génial. Wedding planeuse, quoi, au final. Ouais, ouais, ouais, ouais, mais en fait, c'est un simulateur de télé-réalité. Les Sims, je viens de me rendre compte. C'est vraiment c'est ça, quoi. Ah ouais, putain. Ouais. Bah, simulateur de réalité. Ouais, de la vie, quoi. Oui, mais. Mais t'as le regard. Tu peux scripter un peu en influençant les trucs. Ah, tu peux scripter du coup, c'est ça les Sims. Si des gens s'embrouillent, tu les mets dans la même pièce et. Ah bah bien sûr. Ouais. Mais tu peux leur dire engueule-le, tu vois. Ouais, ouais, non, mais tu peux faire exprès, c'est pour ça que t'es, t'es un peu dur en fait. T'es dieu, c'est vraiment ça. Et ce qui est génial, c'est que tu fais le code Motherload et t'as de la thune à gogo. Ah, si, ça se dit. À gogo, ça se dit. Je sais pas. Ça se disait à un moment. Ça se disait. Je pense qu'on peut. Dans ton bistrot, tu pourras venir. Bah, ça sera d'ailleurs gogo, le nom du bistrot. C'est pas mal. Non, en vrai, viens, on va au gogo boire. Un verre, c'est pas mal, non, en vrai. Ouais. Mais moi, je vais imaginer tout de suite, mais ouais, je suis sûrement ça, plus sourd. Exactement. Il y a clairement quelqu'un qui pisse dans un coin de la pièce. Ouais. Au gogo, mais il y a Camille qui pisse. Ouais, il y a un vieux Camille ou un vieux Roger. Toi, tu ferais quoi, Adrien? Ah. Moi, je pense que peut-être je bosserais dans les jeux vidéo. Ok. Peut-être. Ok. Mais je saurais pas te dire vraiment à quel poste exactement, quoi. Ouais. Mais peut-être. Mais ça ouais, touche un peu à plusieurs trucs que t'aimes bien faire. T'aimes bien coder. T'aimes bien écrire. Oui, oui. Après, je pense que tu codes. Un peu. Wow. En amateur. Ça, c'est fou. Mais non, je pense que peut-être monter mon studio et après embaucher des gens et concevoir des jeux et tout. Peut-être ça, j'aimerais bien. T'as déjà eu des idées de jeux? Ouais. Mais c'est marrant, dans le dernier épisode, on parlait de nos notes, de ce qu'on avait sur notre iPhone, et il nous a pitché des idées de jeux. Enfin, une en l'occurrence. Et vous avez des regrets professionnels, des trucs que vous n'avez pas fait par choix ou même par accident, des trucs où des fois vous y pensez en disant « ça j'aurais quand même kiffé le faire » ou pas. On cherche tous un truc à citer. C'est vrai que Star Wars, j'aurais dû y aller. Et je me suis dit aussi que c'était con. The Witcher. Mais il y avait Luther sans Idris Elba et quand même, c'était vachement mieux quoi. Non, ou des trucs que vous aimeriez refaire. Je sais que par exemple, Chloé, toi t'as fait du théâtre à une époque. Est-ce que c'est un truc que tu pourrais refaire? Non, je crois pas. Non, mais en fait, en ce moment, je crois que j'évolue vachement dans l'écriture et la réal, et ça me procure beaucoup, beaucoup plus de plaisir, même parfois que le jeu. Ouais. Et donc, du coup, au contraire, là, ça fait plus un an et demi que j'ai pas voulu aller tourner dans des, on va dire, des projets qui me plaisaient peut-être moins que ceux que je fais pour moi, et du coup je suis plus sensible à ça aujourd'hui, tu vois. Mais c'est le cas de beaucoup de comédiens qu'on a reçus, comédiens. Ouais. Enya Barou récemment disait ça aussi. En fait, une fois que t'as touché à j'écris mes trucs. Non, et en fait, longtemps, tu vois, pas. Et il y a des projets que j'ai fait que j'ai adoré, mais il y en a aussi où quand j'allais au projet, je me disais, attends, c'est une sombre merde là ce qu'on vient de faire. Et je me disais, waouh, putain. Et ça me rendait hyper malheureuse, quoi. Tu vois, vraiment trop triste. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'écrire des choses qui. Attention, j'ai fait des trucs que j'ai adoré et dont je suis trop fière. T'inquiète pas. Mais il y en avait où vraiment ça me rendait. Et ça me prenait, ça me butait. Et donc, du coup. D'écrire, au moins tu dis vous aimez pas, c'est entièrement de ma faute. C'est plus facile à assumer. Les gens pourraient croire que non, parce que quand t'écris, tu passes plus d'énergie qu'un comédien qui vient interpréter un texte, entre guillemets. Mais au final, je trouve ça plus. Après, j'ai pas eu une grande expérience, mais je trouve ça plus facile. C'est plus facile que les gens détestent un truc où t'as mis beaucoup tôt. Tu dis, de toute façon, là, j'ai fait mon max. J'étais en contrôle, en fait. C'est juste une incompatibilité entre quand t'es même pas en contrôle d'un truc et que c'est de la merde, je pense. Ouais. Toi, t'as des regrets, Pana, sur des trucs l'opéra, peut-être ça c'était un peu relou, ou t'aimerais le refaire C'est un regret, après moi j'ai pas pu, j'étais malade. C'était quoi l'opéra? J'avais mon premier spectacle, il devait se terminer avec 3 dates à l'Opéra Garnier. Ok. Et en fait j'ai dû les annuler. Ah mince. Mon corps a lâché. Mais en vrai, ce qui est assez marrant, donc c'est... peut-être un de ces quatre je le referai ou autre, et c'est un truc étrange encore que j'ai pas vraiment mais là où c'est hyper bizarre, c'est que surtout j'ai dû annuler 2 jours plus tôt. J'étais à Bordeaux au Fémina, qui est une salle exceptionnelle, et en fait c'est là que ça a lâché dans les loges alors que les 1200 personnes étaient dans la salle. Et ça c'est un truc beaucoup plus étrange où t'as mon frère à l'époque qui était en tournée avec moi qui doit monter sur scène et dire aux gens faut rentrer, il y aura pas de spectacle et tout. Ça c'est un truc chelou. Alors que vu que senti super mal de ça ou... Ça a été un truc hyper dur. Ça a duré, la convalescence elle a duré 6 mois et tout, c'était hyper Donc ton regret c'est d'être un gros fragile, quoi. Exactement. C'est les défenses immunitaires de merde. Et ça te fait voir maintenant le métier différemment? Est-ce que tu fais plus attention? Il y a un côté plus prendre le temps, s'entourer et tout. Mais c'est étrange, c'est pas forcément un regret, c'est un truc. Moi j'avais un peu confiance au signe après, donc je m'étais dit peut-être qu'il y a un autre truc à faire. C'était un bon signe là quand même à suivre. Sinon, pas de grands regrets ou de trucs. Il y a des. Et jouer, tu kiffes? Jouer chez les autres? Il faut vraiment que j'aime les gens. Et en fait je suis trop contrôle freak et je donne ma confiance à tellement peu de gens que en fait si j'y vais pour les mauvaises raisons, je vais pas être un bon gars pour vous. Je vais être tout le temps un peu dans un rapport de j'ai besoin de comprendre. Non, si je comprends pas, je peux pas le faire. C'est relou, je pense, quand tu réalises un truc ou que t'écris. Bien sûr. C'est les pires personnes. Donc en fait, j'ai compris mais tardivement qu'il fallait vraiment que j'ai un fond de moi qui aime profondément la personne pour qui je vais être au service, quoi. Et voilà. Mais donc ça c'est dans les deux sens en plus, hein. Moi j'ai ça aussi en tant que metteur en scène. Même s'il y a un très bon acteur, mais je sens dès le début que moi je sais que j'irai pas, quoi. Et des gens que j'adore, des gens dont je suis fan et tout, mais tu vois, il y a eu des rencontres où tu fais non, Et tant pis en fait, parce que c'est trop, c'est trop kiffant à faire comme métier pour que on se fasse chier avec des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Toi, Adrien, des regrets, des trucs? Le taekwondo, t'as lâché, ça c'est vrai que c'est un truc qui a. C'est ça, ouais. J'aurais dû continuer, ce sera peut-être mon métier aujourd'hui. Non, je sais pas, oui. Pff. Non, je suis. Non, je crois pas. Je crois pas. Bah écoute, t'as. Non, enfin, j'ai fait des merdes, hein. Ouais. Mais, non, c'était pas ma question. C'était pas. Non, mais. C'est là-dedans, c'était pas ce que je disais, mais. Mais. Ouais. Non. Non, mais c'est vrai que le mot regret, il est... c'est dur quand même. C'est dur, ouais. Non, moi je pourrais te dire de. Mais c'est même pas un regret, mais tu vois, c'était. J'étais un peu. J'en ai déjà parlé ici, mais genre. Moi j'ai commencé très tard à faire le métier que je... enfin, les métiers que je fais maintenant. Et c'était parce que j'étais un peu. Bloqué dans un truc où je m'autorisais pas à croire que c'était possible de faire ça, alors que je pense que j'en avais envie depuis que j'étais enfant, mais j'étais un peu dans un état d'esprit genre mais non, mais genre c'est pas pour ces toi, métiers c'est accessible à une autre sphère de gens qui sont sur limite une autre planète, quoi. Et mais quel après type de gens tu veux dire, une religion particulière, c'est ça que tu veux dire? La religion du cinéma. Ah, okay. Ça sonne quand même antisémite, c'est fou. C'est hein, fou. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est à ça que tu pensais quand tu as dit ça. Waouh, mec, Joe. Mais il y a un humoriste américain qui a dit ça il y a pas longtemps. J.K. Rowling, elle s'est fait retaper pour antisémitisme avec. Ah ouais. Tu sais les. Ouais, elle a tout. Elle a tout gauche chez elle. Elle fait trop. Mais tu sais les espèces de. Moi, j'ai pas trop vu Harry Potter, mais ceux qui tiennent les banques là. Ah, Harry Potter. Oui, oui. Les gobelins. Qu'on le nez crochu et des longs doigts. Et il y a des gens qui disaient, elle est antisémite là. Et il y a des gens qui disaient, c'est pas antisémite de dire qu'elle est antisémite. C'est genre, mais vous, c'est vous voyez les gobelins pas, et vous êtes en mode, bah, elle a clairement voulu faire des juifs là, non? C'est et je trouve ça, et cet humoriste, ça m'a vraiment fait rire ce truc là. Des fois, des gens qui disent ça, c'est antisémite, c'est aussi antisémite c'est parce que eux parlent. J'ai une question où là, je pense que Pana l'aura pas. Je suis obligé d'orienter un petit peu le jeu pour essayer de que ça aille pas trop vite. Le journal de Mickey a balancé son top annuel des personnalités préférées de leurs lecteurs. Ne dis rien. Squeezie. Je vous demande le top 3 qui ne sont que des entrées. Et alors, c'est là où c'est les lecteurs du journal de Mickey et pas les jeunes. Parce que Squeezie n'est même pas dans le top. Ce qui m'étonne. Mais c'est donc Cyril Ferraud. Cyril Ferraud non plus. C'est quoi? C'est donc c'est des personnalités c'est que c'est de là. connues. Oui, il y a de tout. Il y a du sportif, du comédien. Ah, Mbappé, Léon Marchand. Alors, Léon Marchand est numéro 1. Bien t'as vraiment pris ma réponse. Vraiment. Non mais franchement, après. Je vais me faire un café pendant que vous faites les jeux et je reviens après, quoi. C'est après. Pas possible. Non mais il y en a trois, Chloé. Il y a Léon Marchand, Mbappé est 11e. Il a perdu 7 places, Mbappé. Les JO lui ont fait du mal. Parce que ah, c'est... Jean-Jacques Goldman. Non. Ouais, il est tout le temps dans les. Oui, dans c'est les vrai, mains. C'est vrai, mais là. Mais là, c'est les 7-11 ans. Redouane Bougueraba. Il y a pas Redouane. Valérie Pécresse. Non, le deuxième est un sportif également. Ah! Teddy Riner. Putain. Et le troisième est comédien. Acteur quoi? Pas Pierre Ninet. Acteur civil. Ouais. Timothée Chalamet. Non, c'est que des Français. Hein. Omar Sy. Pas Omar Sy. Omar Sy est 10e. Timothée Chalamet. Un acteur. Omar Sy et Mbappé ont descendu. Les jeunes deviennent de plus en plus racistes apparemment. Hein. Oui, quand même. Tout le reste de la population à peu près. Ils suivent la mouvance. Hein, ah c'est... ouais, c'est vrai. Y a qui là en ce moment qui est en train de. Un acteur qui joue dans les trucs pour enfants un peu? Non, mais qui a. Oui, un acteur. Chloé, tu es sur la bonne piste. Un acteur qui a. Qui est en train de. Voilà. Bah ouais. Qui est en train de tout péter. Les jeunes. Ah! Oh! Malik Machin là! Non. Frida. Très respectueux déjà pour lui. Non mais il a Malik Frika. Celui qui est dans l'amour ouf. Oui. Ah bah il est trop mignon. Mais ce n'est pas Malik Frika. Je suis pas sûr que le public du journal de Mickey soit allé voir l'amour ouf. Oh les jeunes ils sont beaucoup allés. Non. C'est quoi, excuse-moi, je viens de vérifier, t'as raison. Les jeunes de 11 ans sur Bloomberg. Bloomberg. Toutes les infos c'est vous savez que l'acteur en question. L'acteur en question. La tranche d'âge, on est sur plus de 30. Il y a de tout. Hein? Non mais. Pardon, je crois que tu parles de son public. Il est protéiforme, c'est un artiste protéiforme. Il a plus de 30 ans, mais il est pas beaucoup plus. Ah putain, mais. Il a 67. Allez, je vous rajoute un indice. Comme il est également humoriste. Avec les 4 heures. Je te jure. Ahmed Silla. Pas Ahmed Silla. Kev Adams. Pas Kev Adams. Gad Elmaleh. Pas Gad Elmaleh. Pas Hakim Jemili. Attendez, ah non mais. Inès Rugg. Pas Inès Rugg. Non, c'est un homme, on a dit. C'est un homme. Il y a très peu de femmes, hein, de toute façon. Bah, ça m'étonne pas. Ouais. Hein. Aya Kamura, 27e. Mimi Mati, vient de 6e. Vient de 6e. Pardon, elle vient de 6e. Elle vient de sortir de 6e. Juste, attends. Tout s'explique. Et Et oui, Adrien. Attends, juste pardon. Mimimati et Aya Nakamura sont côte à côte. Vraiment. Non, mais qui a fait cette top? La meilleure photo. Panayotis. Mais non, mais non, j'ai demandé. Ah, ouais, le truc de Mickey. En fait, gênant, en fait. Aucun enfant ne connaît. Mimimati, mec. Mais si. Oui, Mimimati, elle est vers la France. Tu rigoles quoi? C'est les rois des enfants. Trouvez-moi un enfant qui regarde. T'es jaloux de Mimimati? Qu'est-ce qui se passe? Non. Allez, on se détend là, c'est bon. Et oh, mollo. Non, justement. Servi au resto. Est-ce qu'elle était sympa, Mimimati? Moi, c'est ça. Moi, j'adore ces questions sur des personnalités un peu random. Est-ce et qu'il son est sympa? Mec est très grand. Elle veut pas dire. Elle veut pas dire. Elle lui a balancé une assiette dans la gueule. Attends, mais faut qu'on trouve cette personne connue. Elle veut pas dire si elle était gentille. Elle était gentille ou pas? Cette humoriste caucasienne. Mais c'est quoi ce tabou? Et pour répondre non, à la question. Elle était très gentille. Oui. Très carrément? Non, quand j'y même crois pas. Pas. Non, non. Je pense que c'est juste personne normale qui mange dans un resto. Bien quoi. Sûr, non, mais c'est toujours. Non, mais enfin, ça s'est très bien passé. Mais oui. Non, mais on l'a compris que tu aimes Mimimati. C'est bon. Je vais vous le donner. Non, surtout pas. Ah non, ça. Non, non, mais. Mais c'est fou de dire humoriste un peu. Il est humoriste. Non, mais il est très humoriste. Même, alors, je vais vous dire un truc. Mais là, non, non, mais il a la personnalité qu'on cherche. C'est là pour le coup, c'est un humoriste qui là va. T'as pas eu Paul Mirabel? C'est fou. Non, que ce soit Paul... non mais alors, attends. Là, attends, là justement, dans le monde des humoristes, on l'a pas trouvé là. Il va faire un truc qui a jamais été fait. Ah, Léopold le Grand. Léo. Oh là là, terrible. Quoi? Léopold le Marchand Grand. Déjà, évidemment que c'est pas lui. Ok. Bah, deuxièmement, c'est pas son nom. Troisièmement, évidemment que c'est pas lui. Et quatrièmement, il va écouter. Ah, il va Paul être... de Saint-Cernin. Mais non. Mais attends, mais okay, on le connaît tous ici. Putain. Je vais vous le donner. Mais ça non, va non, vous... non, non, non, non. Il attends. Est français. Bien sûr. Attends, est-ce qu'il est connu sur les réseaux de ouf, genre? Très connu sur les réseaux. Au cinéma, c'est fou. Sur scène, non, là, non, c'est dingue. Je ne l'ai pas. Il a plus de 30 et ans. Il a fait l'actu en 2024. Oh putain, Gasteuil. Non. Non. En 2024. Et là, on a parlé que de lui. Il y avait Pierre Ninet qui était le comte de Monte Cristo. François Civil. Arthus. Ah mais bien sûr. Et oui Arthus. Oh, putain, bien mais sûr. Oui. Putain. Et voilà. Merde. Et voilà. Oui. Et oui je savais que ça vous agaçait. Bah, bien sûr. Bien sûr. On est encore comme la dernière fois sur un top qui a été fait par la rédaction, je pense. Mais je pense pas. Non Arthus, je pense Arthus, que les gosses ils sont comme des ouf hein. Ah ouais. Ah ouais bah un petit truc en plus ça fait quand même 10 millions en non, ouais, plus de 10 millions, mais. La coupe de là, lui, dirais... les gosses sont adorés. Enfin, tu non, mais en vrai, vraiment... c'est un film où les familles y sont beaucoup allées. Là, oui, là oui, il fait deux clair. U Arena. Oui, Arthus. Mais. Mytho. Non, je te jure, deux U Arena. Menteur. Non, la vie de ma mère. Mytho, je regarde. Ouais. J'y crois absolument pas. Bah, écoute. Non, mais. Je sais pas. Je doute pas que plein d'enfants sont allés voir le film. Je pense que s'il écoute, il serait fou de rage que tu sois pas au courant. Je doute pas que plein d'enfants sont allés voir le film, mais. Enfin, tu vois, les enfants. Et même sur TikTok, il y a un truc d'habitude qui fait que tu le cites, tu vois, j'en spontanément. Là, les mecs, ils ont dit. C'est vrai que ces vidéos sur TikTok. Ça cartonne de ouf. Ça cartonne. Non, moi, j'y crois. C'est vrai. Le journal de Mickey, c'est des enfants. Écoute. Mais merde. C'est fou de faire la Défense Arena en humour, là. C'est, oui, c'est What grand. What the fuck? C'est grand. Ouais, bah, si t'avais pas fait tes j'ai des screens à faire et envoyer. C'était qui votre idole quand vous étiez enfant? En personne qui existe. Alain Chabat. Bah ouais, non, Alain Chabat. Ouais, c'est, bien sûr. C'était. Voilà. Clairement. Toi, Pana. Excusez-moi, je mange. Je t'en prie. Toi, Pana, tu idole, enfant. Ouais. Chanteur, acteur. Ah, j'ai toujours aimé Louis C.K. Non, je rigole. L'enfant étrange. Non, idole, enfant, je te jure, j'ai pas de. Non, j'ai... non, t'étais pas là-dedans. Alors, si, pardon. Bah, Florent, bah, oui, apparemment. Palma de La Roque. Ok. Bah oui. Genre vraiment Palma de La Roque, Robin. Louis C.K., Palmade. Ouais, pas mal, c'est marrant qu'en blague tu dises Louis C.K. et que ta vraie réponse c'est Palma. Et Dieudo, putain. Non, mais vraiment, Palma de La Roque, je trouvais ça exceptionnel. Mais moi, j'adorais un peu les vieux humoristes de la génération de mes parents parce qu'ils étaient morts de rire. Ouais. Et c'était le moment où tout le monde se taisait pour regarder. Il y avait un truc d'histoire de. Et j'adorais ce truc-là. Ouais. Mais Robin. Mais même des plus vieux, genre Pierre Rep de Vos et tout. Ouais, bien sûr. Je trouvais ça vraiment ouf. Pierre Rep? Pierre Rep. Putain, je connais pas. C'est un. Mais c'est assez marrant. Ça a été énormément repris, mais c'était un des premiers gars en France, années 60, qui faisait. Tu sais, tout se passe mal dans ce qu'il fait, il panique. Tous les mots se confondent et ça fait des doubles sens et tout. Okay, énormément de bégaiement, mais bien placé. Okay. Et c'est assez cool. Il avait une petite moustache et tout en mode. Mais c'est vrai qu'on le cite peu. Alors c'était moi, je le connaissais aussi. C'était le. Il faisait un truc sur la recette des crêpes. Bon. Il est hyper fort. Ouais, ouais, très marrant. Il est hyper fort. Attends, ça me dit quelque chose. Il s'est fait éclipser par les Leluron et Coluche et tout. C'est Bougaraba. Non, non, c'est Redouane qui l'a. Bah, il l'a vanné sur la moustache. Exactement. Il a pas réussi à s'en remettre. Ouais, je vois sa tête. Ouais. Non, mais on a pas mal d'humoristes comme ça qu'on a. Du coup. Toi, Chloé, c'était qui tes idoles quand t'étais plus jeune? Alors, moi, j'étais fan de Richard Curtis. qui est l'auteur de toutes les comédies anglaises que je préfère. Attends, il y a un fourré en même temps, qu'est-ce qui se passe? Non, non, pardon. Non, mais qui a écrit, tu vois, c'est lui qui a écrit Love Actually. Attends, t'avais quel âge? T'étais déjà dans qui écrit les. Ça t'intéressait déjà quand t'étais jeune? Non, mais en fait, parce que ma mère, elle m'en parlait. Après, moi, ouais, c'est clair. Non, mais parce qu'en fait, j'adorais tous ces films-là. Mais, et j'étais complètement fan. Après, de qui j'étais fan? Oui, parce que ça, c'est vrai que c'était plus adolescence. Là, tu parles de l'enfance. Oui, enfin, 7-11 ans, quoi. T'avais pas des posters dans ta chambre, par exemple? Moi, j'avais Justin Bieber, Selena Gomez. J'étais Team Disney Channel, tu vois, les sorciers de Waverly Place, tout ça, j'aimais trop. Très bien. Bien sûr, Camp Rock. On avait tous passé par là. Alors, tous ces trucs-là, mais j'étais complètement fan. Ouais. Ouais, Selena Gomez, j'étais complètement fan. Et Miley Cyrus, et attends, qui d'autre? C'est déjà pas mal. Oui, Valérie Pécresse, encore une fois. Bah, les posters de Valérie Pécresse, qui ne les a pas eus dans Star 2? Je suis occupée de l'Ukraine. Vous avez vu cette vidéo? Non, on les rachète maintenant. Bien sûr. Une fortune. Vous, c'était qui? Bah lui, ouais, c'est Alain Chabat. Et puis sinon, je sais pas, Dominique Wilkins, un joueur de basket. Ah oui, NBA. C'était très NBA. Bah oui, mais ouais, en gros, ça, je pense. Et toi, moi, j'ai beaucoup été, mais pareil, plus ado, Tarantino. J'avais un truc de. Wow, c'est qui? C'était. Non, mais tu vois, ce truc de. Ouais, des gros mots, de la violence. Le doigt à Cannes. Ouais, voilà. Mais c'est une rockstar, ce mec, ou quoi? Alors que non, c'est un fétichiste des pieds. Voilà, tout simplement. Ce qui est pas du tout incompatible avec les rockstars. Si. C'est l'endroit incompatible. C'est le seul truc où ils vont pas. Il a saccagé sa chambre. Il n'y a pas une seule trace de pied, par contre. Tout le monde garde ses chaussures. Je ne vois aucun pied. C'est pour ça qu'il saccageait, en fait. Et non, moi, oui, beaucoup des gens marrants, quand même, les humoristes. Je me souviens, quand tout petit, j'ai mon plus vieux souvenir de pleurer de rire, c'est un sketch des frères Taloche. Pas si vous avez J'ai encore rêvé d'elle. Il est cultissime. Extraordinaire. Oui, en fait, ils font du lip sync sur J'ai encore rêvé d'elle en faisant des grimaces. Okay. Et vraiment. Je l'ai vu en live. Ah ouais? Ouais, je suis allé voir les frères Taloche en live. Ah bah, moi, je sais que c'est mon plus vieux souvenir de pleurer de rire devant la télé. Et en fait, dans ce sketch, il parle pas. Ouais. Dès qu'il parle, hyper antisémite comme spectateur. Non, mais ils sont très très marrants. Mais c'est cool. Et Chevalier Las Palès, pardon. Ah ouais, le train à peau, évidemment. Le train à peau à la peau. Ouais. Non mais évidemment. Et c'est quoi vos plus vieux souvenirs de fou rire? Enfin, ou de premier rire, le premier truc qui t'a fait rire petit? Les As. Non, je rigole. Bah, en vrai, moi, plein de gens, c'est très cartoon, les As. Il y a plein de gens qui. Non, mais j'ai l'impression que c'est toujours la réponse des gens. Oui. Qui se la pètent, bien sûr. Non. Qui se la pètent, c'est pas non plus. Oui. C'est pas non, genre mais... Baudelaire. Il a écrit des poèmes hilarants. Hilarants. Non, moi, je crois vraiment que c'était la télé et c'était l'énergie du Grand Journal. Ouais. Ah oui, du Grand Journal. Bah, genre à l'époque, quand il y avait. Enfin, moi, je me souviens, il y avait le SAV, après, il y avait Bref. Ouais. T'avais le petit journal, t'avais que des chroniqueurs gauleries. Ouais, c'est vrai. T'avais Apathy, trop marrant, l'accent du sud. Non, c'était exceptionnel. Et quand c'était à Cannes, je ne loupais aucune émission. Oui, moi je me Le Grand Journal à Cannes, c'était exceptionnel. Incroyable, parce que des gigastars. Cela dit, j'ai un souvenir de Ali Badou qui spoil Inglourious Basterds 6 mois avant que le film sorte, quand même. Ah ouais. Avec Tarantino Vaz qui fait bah non quoi. Et bah, ouais, wow. Je ne retrouve pas cette vidéo. Ah, si quelqu'un la retrouve, on a des auditeurs très forts là-dessus. Et je me souviens vraiment de voir Ali Badou. Vous l'avez vu tous Inglourious Basterds? Bon, s'il y a des auditeurs, ouais. Il dit alors quand même, vous tuez Hitler quoi. Ah ouais, c'est et vraiment Tarantino va faire oh non quoi. Ouais, raconte pas. Genre, mais t'as oh mal. Oh là là, mais quel horreur. Alors, puisqu'on en est à passer une annonce sur une vidéo qu'on retrouve pas. Ouais. Mais j'en suis à me dire si je l'ai pas rêvé, ce truc. J'ai un souvenir. Voilà, si vous la retrouvez, supprimez-la. Non, de Bakri à une cérémonie de remise de prix qui dit. Alors peut-être là que j'ai rien à. Non, ça, je. Ah ouais, extrêmement connu, ça. Non. Non. C'est là où l'engrenage t'a bouffé. Ah oui, tu vois. C'est là où j'aurais dû retirer les doigts. Ah, je rigole. C'est un personnage. C'est non, Bakri, c'est Bakri qui parle de Bakri, il devient Bakri. Bakri qui dit oui, enfin, on parle toujours que des réalisateurs, mais bon, faut pas oublier qu'il y a des auteurs qui écrivent les trucs, parce que un truc comme ça, et des gens qui font genre ouh, un peu dans le public, genre. Et il fait oui, c'est comme ça et tout. Et ça t'intéresse, ce propos? C'est un propos qui j'ai l'impression que j'ai rêvé ça. Alors ça se trouve, c'était pas Bakri. Ce serait hilarant que tu l'aies rêvé. Que tu rêves que Bakri dise un truc que vraiment au fond de ton cœur. C'est ton animal, c'est Bakri qui l'a dit. Non, mais c'est fou la photo que je t'ai trouvée là récemment. J'ai trouvé une photo de Bakri avec Salvador Dali. Oui. Incroyable quand même. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'ils sont à table. Et donc, il y a Dali qui est genre Dali. Et Bakri, ce que ce qui m'a fait chaud au cœur, il a l'air de se faire chier sa race, quoi. Tu sens qu'il est genre, oh, mais ta gueule, ta gueule, mais pareil, ta moustache. Est-ce qu'il est rancœur ou est-ce que c'est peut-être toi qui a envie, envie de dire à Nelly, oui, bon, t'as une grosse moustache. On ne saura jamais. Moi, j'ai décidé d'interpréter comme ça que Bakri est en train de se faire chier. Il a l'air de se faire chier, t'es d'accord? Un petit peu, mais après, bon, après, bon, c'est Bakri, ouais. Tu trouves une photo du plus beau jour de sa vie et il a l'air de se faire chier, quoi. Donc, mais elle est, ça m'a, je meuble parce qu'il est en train de chercher la photo. Ouais. Ah ouais, non, pardon. Non, non, mais il y a pas de problème. Mais je sais pas si j'ai rêvé ce truc de Bakri qui dit ça. Mais j'ai l'impression d'avoir vu il y a très longtemps. Moi j'en ai quand même maté pas mal aussi des interviews de Bakri. Alors c'est tout, peut-être pas Bakri du coup. Ouais. Mais je sais pas, j'ai peut-être fait un mélange de trucs ou complètement inventé ce truc. Mais si quelqu'un. Bon après, mais envoyé sur le compte du Floodcast du coup parce que mes DM sont fermés. Oui, oui. Ou à moi comme vous le faites tout le temps. Non, ne faites plus ça. Regarde, c'est ça. Un peu dingue. Ah ouais, ouais, il est encore très ah, vraiment. Fou. Mais on dirait qu'il se fait chier. Ouais. C'est qui au centre? C'est fou, c'est qu'il y a des gens qui. Le truc que tu m'as envoyé la dernière fois, c'était. Elle est dingue cette. Quelqu'un qui t'a envoyé un sosie de moi, genre. Bah en fait vu que les genre, DM... hey, regarde quand même on dirait Adrien déjà là, en fait, vu que les DM d'Adrien sont fermés, les gens me les envoient à moi. Non mais ils le font même quand mes DM étaient pas fermés, c'est ça qui est des fous quoi. Et est-ce que des... tu dis ouais mais Adrien il a pas répondu, mais regarde ça lui ressemble, mais c'est... mais est-ce que je cette réponds personne pas parce que je m'en branle. C'est Thomas VDB visiblement. Mais est-ce que cette personne ouais. te ressemblait? Mais c'était un chauve chum, donc pour les gens bah ça bon, va pas du tout. Rien à voir. Bah je comprends. Oui bien sûr. Question réseaux sociaux, selon une étude, environ 40% des Français le feraient dans leur rapport aux réseaux sociaux et plus de 60% à le faire chez les moins de 25 ans. À votre avis, de quoi parle-t-on ? Créer un faux compte. Pas créer un faux compte, mais t'es pas si loin. Faire des faux commentaires ou commenter ses propres likes liker ses propres publications. Non. Commenter ses propres likes. Attends. Ce like était bien, hein. Pas mal d'avoir aimé ça, là. Attends, relis-moi la question. Tu le postes en story, eh. Hey. Alors c'est volontairement flou hein, pour que vous puissiez poser des questions, mais c'est Floodcast. C'est volontairement flou. Oh, le Floodcast. Selon une étude, 40% des Français feraient quelque chose sur les réseaux sociaux. Enfin, plutôt, c'est pas qu'ils font quelque chose, c'est dans leur rapport aux réseaux sociaux. Et plus de 60% le feraient chez les moins de 25 ans. À votre avis, ah, stalker quelqu'un ? Pas stalker. Non, c'est vraiment par rapport à qui on est. Suivre quelqu'un de manière discrète, peut-être tu veux pas dire en anglais. Envoyer des messages à des célébrités. Oui, c'est ça. Pas envoyer des messages. Envoyer des sosies à Adrien Méniel. Les potes de gens connus. À Flo pour Adrien. Les chiffres matchent en tout cas. Est-ce que. Attends. Mettre des photos de soi en vacances. Alors, si t'as pas de réponse, ouais, ne prends pas la parole. C'est vraiment ça. Genre, c'est clair. J'essayais de réfléchir à ça. Non, mais on a vu que t'étais en impro. Non, mais on sent les mots sortaient avant que l'impro tombe. On dirait ChatGPT quand il génère les trucs. En fait, on sentait qu'il y avait un silence qui t'a mis la pression. On t'a tous écouté. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai eu aucune réponse sur rien du tout. Et là, celle-là, elle est pour moi, merde. Ah, mais attends. Attends, faux compte, t'as dit, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Vrai compte ? Allez. Non, c'est pas si loin parce que c'est. Bah, ne le dis pas ! Un aigle ! Quoi ? Un aigle ! Un faucon ! C'est près d'un faucon. Qu'il est con ! Oh, un aigle ! Oh. Ah, alors là. Est-ce que c'est quand tu. Pars en vacances ! Non ! Mais certains pourraient poster des photos d'eux en vacances pour faire ce truc, puisque ah, de mentir sur sa vie. Donc c'est, de s'inventer c'est... une life, de faire croire que t'es riche. C'est alors c'est quasiment la même chose. Je vais te l'accorder, ça c'est adapté. C'est de la pitié. Non, c'est adopter une personnalité. Je suis contente et en même temps je suis un peu mal à l'aise. Non, c'est adopter une personnalité différente sur Instagram. Ah, faire croire que t'es de gauche et une tout. Persona, tu veux dire. Exactement. Beaucoup de gens font ça. Bah Adrien fait croire qu'il est de gauche. Bien sûr, alors qu'il est bien de droite. Parce que j'en ai avec lui. Et il l'a acheté après. Il a vu le salut nazi, il a fait alors là, alors ça, c'est j'en rachète une. J'en prends deux. Vu qu'on m'a brûlé celle d'avant. De façon injuste. Et qui l'a brûlé? Eh ben. Je vous laisse deviner. Les gens. Donc oui, effectivement, les gens adopteraient une personnalité différente sur Internet, mais même si beaucoup le font inconsciemment, les répondants décrivent ainsi majoritairement plus ouverts d'esprit sur leurs réseaux sociaux, plus réfléchis, alors que 23% se disent plus facilement en colère et 14% plus vulgaires. Des écarts permis par une forme expliqués par une forme d'anonymat, effectivement, forcément sur Internet, selon Léa Paolacci de Bloomberg. Non, qui est pizzaiolo. Mais vraiment, mais qu'un avis sur un avis sur Insta. Tout ce qui se passe. Les gens peuvent tester des facettes de la personnalité sans la pression du face à face, évidemment. Ah, ouais. Est-ce que vous faites ça un petit peu? Est-ce que vous mettez un peu plus en avant des traits de votre personnalité sur les réseaux? Mais tout le monde fait ça. Tu mets pas une photo de toi quand t'es chum. Enfin, il y a un truc dans tous les cas. Non, maintenant il y a même cette trend de genre. Tu mets une photo de toi. No filter, je sais pas quoi. Oui, mais des carousels, genre. Moi je vois oui, mais ils font exprès de prendre le truc où ils sont faussement moches. Ouais, ça c'est terrible. Il y a le carrousel à la Fashion Week et la dernière photo, c'est une photo où un peu moche. Moi je vois le fait où ils mangent un McDo à moitié. Ouais, mais en même temps, je suis aussi une personne comme vous et c'est insupportable. Les gens qui disent ça c'est sur Insta et ça c'est la réalité, tu fais oui, la réalité, t'es plus beau que 99% de la population, donc ça reste un flex. Mais ça c'est Bakri qui l'avait dit, je crois. Ouais, dans une interview. À une cérémonie, je crois. C'est ça, exactement. Oui, forcément. Moi j'utilise moins les réseaux maintenant, je poste moins, juste en amis proches. Ouais. Non mais je vais tous vous mettre dans mes amis proches après cette émission et vous allez bien vous marrer. Ah, là, c'est avec plaisir. Voilà, vous allez voir. Le showbiz en prend pour son grade, je peux vous dire. Là, ça c'est sûr. Non mais en revanche, plus jeune, j'avais, et franchement, je me disais ça par rapport à ma sœur qui a 17 ans, je mettais des photos, bah ouais, alors si vous dites quoi que ce soit de moi en vacances sur les réseaux, mais en mode, en maillot de bain, en mode tiens, regarde un peu bonne, machin et tout. Ouais. Et en fait, aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que c'est tellement, c'est bien de le faire si t'as envie de le faire, mais je recevais des DM de gars super weird, machin et tout. Et donc en fait, aujourd'hui, j'avoue, je l'utilise plus. Des gars bien, hein. Des, je travaille pour Bloomberg, je suis en train de faire une étude. Mais donc, peut-être, est-ce que lié à la. J'ai l'impression que c'est aussi un truc qu'on faisait adolescent d'adopter une personnalité un peu. Vous étiez quel genre de. Vous faisiez ça ado ou vous étiez assez. Vous assumiez le côté weird si vous étiez. Moi, vous m'avez rencontré quand j'étais ado, je devais être un sup. Plus que. Je devais être là, essayer de faire rire les gens et. Regardez-moi pas, ouais pas tant, j'étais vu dans une interview avec Ken en parler. Bah si, bah bien sûr, mais non, si, mais c'est vrai. Bien sûr. Ah, moi, je me pas pour moi, tout ça. Non mais en vrai, moi, mais c'est marrant, putain, c'est marrant parce que quand j'ai su que tu venais, je me suis imaginé avoir cette discussion et on l'a maintenant, donc c'est drôle. Mais c'est pas vrai. Bakri. c'est peut-être Bakri qui l'a dit. Oh, wow. Non, mais je me souviens de t'avoir trouvé agaçant la première fois que je t'ai vu. Oui. Déjà, la première fois, c'était que j'étais en train de parler avec quelqu'un et tu t'étais vraiment interposé pour lui parler parce que c'était une personne qui était connue. Moi, j'étais. Ouais. Et du coup, il y avait un côté genre. Un peu énervant, cet enfant arrogant. Et en même temps, je pense qu'il y avait une grande jalousie de ma part de me dire putain, il est tellement confiant déjà à 14 ans, je serais jamais aussi confiant que cet enfant, quoi. Ouais. Et je pense que. Bah, Mais c'était la coke, à l'époque, je prenais tellement de coke. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément tant toi qui étais agaçant, mais moi qui avais un complexe de me dire putain, cet enfant est déjà tellement mieux que moi. Non, mais j'étais. Quoi. Enfin, en vrai, de vrai, ça n'a aucun sens à 14 piges de demander à son frère de t'amener à Paris et d'attendre dans la caisse pour aller 3 heures à un événement. Et du coup, moi, je me disais, ok, j'ai une demi-heure parce que je dois rentrer chez moi dans je sais pas quoi. Ouais, et du coup, sûr. J'allais voir tout le monde, j'avais mes cartes et je disais, est-ce qu'on peut faire une interview? Non, mais attends, est-ce que machin? Et surtout, non, mais ce pour que moi, je veux dire. La démarche, elle est géniale. Non, mais c'était aussi. J'insiste sur le fait que c'était moi. Non, en mais tant par que... rapport à la question de gamin, est-ce que. Moi, j'étais absolument pas cool et je voulais que tous les gens qui étaient très cool me trouvent cool. Donc j'avais forcément envie de faire des blagues et je faisais, tu vois, c'était. Mais ce qui est génial, c'est que toi, parce que la plupart des gens font ça quand ils ont 30 ans, tu vois, du coup. Quand ils commencent à être un peu dans l'humour et tout, ils veulent. Et du coup, c'est bien parce que toi, tu l'as fait quand t'étais un enfant. Et du coup, c'est un peu. C'est pas ça colle avec peu, le truc de genre, ouais, t'as c'est fait un gosse. Ta crise d'ado, alors que on a tous fait ça, mais beaucoup plus vieux, quoi. Mmh. Et maintenant, on y repense en disant, oh, j'étais tellement gênant. Alors que toi, tu te dis, bah, j'avais 14 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est bien. Ouais, ouais. Bah, j'ai retiré toutes mes petites interviews d'internet. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, il y a des trucs improbables. Mais bon, tellement fais gênant. Pas les enfants de la télé, mon pote. Non, mais genre, j'ai genre 15 ans, j'interviewe Orelsan et ma première question c'est tu peux nous faire une blague? C'est genre, c'est genre, il va monter sur scène dans 30 minutes au Bataclan et je suis là, tu peux faire une blague ou pas, Aurel? T'aimes bien rapper ou tu préfères? C'est terrible. Et mais en même temps, enfin, moi j'ai commencé beaucoup plus tard que toi. Enfin, comme tu dis, ça va être, c'est peu importe l'âge en fait. Je crois que t'es toujours gêné de toujours tes un débuts. Moment où tu... Mais surtout, t'essaies d'être commences. Cool et t'as la fan panique. Tu vois, t'as un peu le truc ouais, de ouais. Je suis en train de parler avec Aurel San, je dois être cool et en même temps distant pour pas montrer que. Et à 15 ans, c'est tellement dur à gérer. Puis j'ai toutes les érections à cacher. Bah ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Et puis la fan panique, pareil, ça, tu l'as très, à n'importe quel bien. Âge. Hein. Moi, je sais que des fois, on a encore des gens. Des gens que tu rencontres et tu te dis faut pas que j'ai l'air bizarre mais en même temps je connais trop bien ce qu'il mais fait bien sûr. Enfin moi je me souviens quand j'ai écrit parce qu'on parle d'Orelsan quand j'ai commencé à écrire sur Bloqué j'étais en panique totale de la première réunion. Tu sais, j'étais dans ces mêmes trucs de collège lycée de ouais, tout va jouer maintenant. Mais après il a trouvé tes blagues bien et ça t'a il a même dit c'est marrant. C'était exactement oui, bien sûr, évidemment c'est bien. Évidemment. Mais non, toi, t'as commencé jeune aussi le métier d'actrice. Ouais, j'avais 15 ans la première fois que j'ai 14 ans la première fois que j'ai fait un film. Et toi, t'étais impressionnée par des tournages ou des choses comme ça? Bah moi, mes parents, ils faisaient ce métier et justement, j'avais le contraire où je mentais sur le métier de mes parents. Je voulais pas qu'on comprenne qu'ils étaient connus. Je supportais pas ça et j'ai encore ce truc de je me protège vachement. Alors maintenant, je suis adulte, mais je te vois venir, toi. T'en profites bien quand même. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Moi, qui te connais. Sans faire la queue et des petits avantages comme ça, j'adore. Bon, rappelons que sa mère est Josiane Balasco. Bon, c'est dit. Alors, vas-y, dis-nous. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, ma mère, très connue. Non, en revanche, tu vois, ça, je me dis, ça doit être. Moi, pour le coup, j'ai de la chance. Ma mère, elle est hyper appréciée. Mais d'être l'enfant de quelqu'un que tout le monde déteste. Ouais. Pauvre Marine Le Pen, je me le dis souvent. Non, mais en vrai, je te jure, moi, au moins, ce qui était cool, c'est qu'à la limite, je me prenais un tunnel sur à quel point ma mère est géniale. Ouais. Bon, quand t'es en crise d'ado et que t'es au moment où tu détestes ta daronne, c'est un peu relou, mais en vrai, c'est quand même chambé, tu vois. Oui. Cela dit, ça me fascine, ça. Tu vois, t'es en crise d'ado, ils sont, oh là, ta mère, qu'est-ce qu'elle est drôle, elle est géniale. Non, mais après, franchement. Elle est pas si drôle. Mais tu sais qu'à l'époque, même d'un gars une fille et tout ça, tu vois, c'était la première émission où ils rentraient dans le salon des gens et donc il y avait un côté très culte. Et donc, moi, par exemple, enfant, je me suis fait agresser à l'école pour que je donne des infos sur ma vie privée, sur mes parents, pour qu'ils appellent les magazines à l'époque. Il y avait un autre truc beaucoup plus. Donc moi, j'avais horreur de. Justement, je voulais pas qu'on me voie. Et en fait, quand j'ai fait ce premier film, j'avais hyper peur en fait de ce que ça allait être. Et après, du coup, je suis partie en Angleterre faire mes études à 14 ans et je me suis dit voilà. Mais en fait, je me suis toujours protégée plus de ça en fait que le contraire. C'est un gars et une fille, mais on oublie qu'il y a des enfants derrière. Ouais. Wow. C'est très très beau. Putain. On va passer aux recommandations culturelles. Oh. Mais oui. C'est vrai? Bah oui, faut qu'on lâche nos invités. Mais oui, attends, ils ont des choses à faire. Non, mais moi je dois. Soyons honnêtes, c'est moi qui dois partir. C'est non, moi qui suis arrivé. Un rendez-vous, ah, okay, aussi parce un que j'allais dire, je peux partir et vous continuez à toi. Si, tu m'avais. J'ai un truc, ouais. C'est Bakri encore. Qu'est-ce qui se passe avec Bakri? Non, mais bien sûr, mais moi j'enchaîne là, toute la journée. Vraie question. Tu avais un rendez-vous médical. Si. Ah oui, ah non, mais je dois faire mes analyses après. Oui. Bah excuse-moi, c'est un rendez-vous. Si tu crois un peu aux fantômes, si Bakri là, c'était un fantôme, tu penses qu'il ferait quoi? S'il était un fantôme, il pouvait faire ce qu'il voulait. Exemple, faire chier des gens ou autre. Qu'est-ce que tu penses que Bakri fantôme ferait? Il peut plus écrire, faire de films. Je crois que t'adores cette qu'est-ce question. Qu'est-ce qu'il ferait? Je pense qu'il dirait je veux pas être un fantôme. Déjà, oui, mais il est obligé, il est là, il doit faire des trucs pour l'éternité. Ouais. Qu'est-ce que Bakri? Putain, ce serait un film tellement marrant en Suisse, Bakri en fantôme. Qu'a le démon d'être fantôme. Et donc c'est pour l'éternité là? Ouais. Ouais. Ouais. Qui est dégoûté. Ah ouais, c'est vrai que ça s'arrête jamais là. C'est vrai que c'était tellement bien quand j'étais vivant que j'ai vraiment envie de. Là, c'est pour tout le temps là. Tout le temps là. C'est génial. Je sais pas, j'en sais rien. Il ferait chier qui là? Il ferait chier qui? Est-ce que c'est pas lui à l'ARCOM qui aurait posé le dossier à Nouna? Il aurait mis sur le dessus de la pile. Ouais. Je sais pas, ouais. Ouais, peut-être, je sais pas, ouais, j'en sais rien. Je sais que t'as voulu me lancer, genre, toi qui as de l'imagination, mais je suis nul. Non, moi, je suis nul. C'est qu'il a fait ça pour t'humilier, là. Ah, putain. C'est pas ouf ce que tu viens de faire. Tous les signaux sont mal pris. Donc, oui, les recommandations culturelles, alors, comme à la fin de chaque émission, je vous demande s'il y a. Recommandations, hein. Mais moi, je ne veux plus articuler. Donc, plus de 4 syllabes, tu choisis j'arrête. Quoi? Ok. Ça me saoule, en fait. Il a économisé 16 heures en 10 ans d'émission en enlevant des syllabes des mots. Et malheureusement, il a perdu tellement de taf en se faisant pas comprendre par des boîtes de prod. Mais je pense dans 7-8 ans, je vais redire toutes les syllabes que j'ai bouffées. Ça va être sublime. D'un coup, ça s'appelle un AVC. Ouais, c'est ça. Donc, oui, les recommandations culturelles, c'est des trucs que vous avez aimé, que ce soit cinéma, théâtre, littérature, chanson, même des fois, voilà, des trucs qui vous rend la vie plus sympathique, tout simplement. Adrien, je n'ai pas envie de commencer avec toi, Adrien. Pas tout de suite. Non, et Chloé, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, moi, il y a en ce moment, je suis absolument fan de Dochi, l'artiste. Je la trouve extraordinaire. Dochi. Ah ouah. Elle l'a cité, bien sûr. Elle a gagné le Grammy du meilleur album rap. Ouais. Elle est vraiment dingue. Et j'ai écouté son Tiny Desk avant-hier et genre, je l'avais jamais écouté. Je l'ai trouvé fou. Ça, ensuite, attention. C'est quoi un Tiny Desk? Pardon, je suis nul, je connais c'est pas. En gros, c'est une émission YouTube où ils font venir, chaque artiste, on va dire, du moment qui a un peu la cote et tout, et qui font leur plus gros son, avec leur musicien derrière, et c'est vraiment chambé parce c'est que du coup, c'est du live. Comme dans un CDI, en fait. Ouais, c'est ça un peu qui le concept, est trop... c'est genre le groupe qui vient dans ton lycée. Et... il y a vraiment une énergie très petit concert. Ouais, ouais, des c'est gens, trop, c'est assez trop cool. Et c'est que du live ou c'est que du live. Donc okay, en fait, ils refont tout leur son en live et tout. Leur, et c'est vraiment très très cool. Ah oui, c'est un pur carton, je vois là. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est trop bien. Ok, cool. Et qu'est-ce que j'ai. Adolescence, pardon, mais sur Netflix. Ah, Impact, c'est bien, ouais. Fou, fou, fou. Ouais. Et quoi d'autre. Mais alors, c'est quoi, pardon, le sujet d'adolescence C'est la vie adultage adulte. Avec un petit peu plus de précision. Bah, en fait, franchement, c'est je vais plus donner le concept. Okay. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est 4 épisodes et que chaque épisode est filmé en plan séquence. Okay. Donc ça, c'est fou. Vrai plan séquence. Ouais, ouais, vrai plan séquence. Pas triché. Non, pas triché. Okay. Donc en termes de déjà de des gosses, c'est très dur, ouais. Hyper ouais. dur. Le gosse, c'est extraordinaire. Ouais. C'est pas gratuit parce que bon, de se dire, allez les gars, on va se la péter, faire un plan séquence. Ouais. Bon, ok, mais là, il y a vraiment, c'est utile à la narration. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et après, attention, je vais faire ma. C'est la minute grosse suceuse. Vas-y. Bah, moi, j'ai adoré ton livre. Je t'ai envoyé un message, mais j'ai eu vraiment. Elle parle à moi, hein, les gens ne les envoient pas. C'est la bébé avec l'alien, là. C'est honnêtement, ça. Non, mais je te le dis, et je suis trop contente de le dire, et devant la France entière. Ce soir, c'est dans les oreilles. Non, mais j'ai adoré ton livre. Je l'ai lu d'une traite. Je l'ai recommandé à plein de gens. Je l'ai offert. J'ai vraiment adoré ton livre. Ah bah, il m'a aidé, même dans une période que moi je passais et tout ça. Ça m'a. J'ai trouvé ton livre accessible, hyper bien écrit. Et t'es mon coup de cœur culturel. Wow. Oh, wow. C'est beau. Bah, c'est très gentil. Elle me l'avait dit en vrai, en privé et tout. Donc c'est pas du bullshit. Non, non, vraiment. Au cas où. Non mais il a raison. Non mais parce qu'elle dit je vais passer par la grosse suceuse. C'est sincère, je le sais. Elle a juste dit je vais faire la suceuse. Et t'as dit la grosse. Vraiment elle en rajoute. Elle vient de dire je vais passer pour une énorme pute qui suce tout. Non non non. À aucun moment elle a qui dit ça. 12 gars ouais. Tranquille 12 pour, aller pour aller sur Insta. Toi Adrien. Écoute j'ai pas grand chose. Il y a un podcast qui s'appelle Hyperfixed. Okay. H-Y-P-E-R-F-I-X-E-D. C'est un des anciens gars qui faisait le podcast Reply All, qui était très bien. Et en gros, les épisodes sont assez courts, mais l'idée c'est les auditeurs ou auditrices qui ont une question sur laquelle ils sont un peu hyperfixés. Genre bah tu vois par exemple moi avec ma vidéo de Bakri ouais. Genre mais je suis pas fou, j'ai vu ça ouais. Ou alors mais comment ça se fait que tel truc machin. Et en gros c'est un peu le même genre que Heavyweight, le podcast que j'avais, mon podcast préféré que j'avais recommandé il y a longtemps. Okay. Où en gros des espèces de petites questions qui obsèdent les gens ou de leur vie perso ou de la pop culture ou n'importe quoi. Et en gros ils essaient de trouver une réponse à ce truc là en faisant une espèce de mini enquête un peu légère quoi. Et du coup j'adore ce format là de truc de des gens qui ont un peu une question en tête et on essaye d'y répondre pour leur apporter une réponse. L'enquête elle est en direct ouais, ou alors ils ont fait des travaux préparatoires avant le podcast. Non, bah je sais pas, tu sais c'est le pote, enfin j'imagine que ça s'étend sur je sais pas combien de temps et puis après bah tu sais les podcasts ils s'enregistrent dès qu'ils font un truc, ils enregistrent tout donc il y a un peu de tout quoi. Mais après c'est des épisodes très courts, ça dure entre 30 et 45 minutes quoi. Donc c'est pas des grosses enquêtes approfondies mais c'est le mot enquête est peut-être un peu abusé d'ailleurs dans ce truc là. Mais voilà, c'est assez cool. J'aime bien. D'ailleurs le podcast Heavyweight que je viens de citer qui s'était arrêté parce qu'ils avaient été rachetés par Spotify et que Spotify préférait financer la cérémonie d'investiture de Trump plutôt que de produire des bons podcasts. Mais en tout cas ils n'avaient plus de le podcast n'existait plus et j'étais bien triste et là ça y est ils ont retrouvé donc ça va repartir Heavyweight donc je suis très content. Et voilà, écoute, c'est ça. Très bien déjà, c'est très bien. Moi, je vais recommander une chaîne YouTube de quelqu'un qui s'appelle Alfie. C'est un gars qui fait des chroniques, des essais vidéo sur plein de sujets culturels. Il parle autant de films que de séries, que même de youtubeurs parfois ou de vidéos YouTube. C'est un français, tout est en français. Et il avait arrêté, il avait fait un peu d'autres choses et là il refait ça. Il a fait une vidéo sur Bob Burnham, enfin sur Inside de Bob Burnham. Et maintenant, à l'époque, il faisait des trucs très donc des essais. Et là, il a un peu changé le truc. Il fait des essais et il met beaucoup plus de lui sur ce qui lui a parlé. Enfin, il s'est un peu approprié le truc en mettant aussi du perso dans ce qu'il fait, quoi. Il y a plein de choses. Et tu vois, là, je vois BoJack Horseman, Spider-Verse, mais aussi Thomas Gauthier, Cyprien, Clerks, Macaulay Carito, Les Fils de l'Homme, Les Indestructibles. Bref, il y a plein de choses. Il avait fait un truc sur Dolan aussi qui était vachement bien. Bref, c'est des essais vidéo. Il le fait depuis des années et des années. Et là, il a repris. Donc voilà, okay, j'ai hâte de voir ce qu'il fait. La vidéo, en tout cas, sur Bob Burnheim, mais Inside est vachement bien. Donc je vous invite à regarder. Il s'appelle Alfie et il fait des très bonnes vidéos. C'est A-L-P-H-I. PHIE non? Non. Ah ouais? Pas de. Non. Et sinon, il l'aurait dit. Et les essais, ça dépend, cela dit. et c'est voilà, des essais qui durent entre. Ça peut durer 5, 10, 15 minutes. Voilà. Okay, mais c'est vachement bien. Ça se déguste avec plaisir. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mmh. Donc n'hésitez pas à regarder. Pana? En musique, j'ai découvert Ino Casablanca dernièrement. Inox Tag. Casablanca. Okay. Exactement. C'est le malais. et c'est vraiment cool. Alors, et c'est quoi comme type de musique? C'est un mix de tellement de choses. Ouais. Mais il y a du rap, mais c'est très. La country. Non, on peut pas faire écouter d'extrait, vous avez pas les droits et tout. Bon, si, on s'en branle. Qu'est-ce qui se passe? Comment bah, vous. Bah, oh, je peux te donner 2-3 scénarios là. Je suis même pas sûr qu'il ait de la belle. Le Cozy Corner, d'ailleurs, allez écouter le. Pardon. Ça, je vais le prendre en photo. Ah, sympa. Mais c'est vrai que si dans le même épisode on met de la musique et on chie sur Spotify, peut-être qu'on peut sauter. Et voilà, moins de 15 secondes, c'est arrivé. Allez, mais justement, le Cozy Corner, qui est un podcast que j'adore, que je vous invite à écouter, ils sont plus sur Spotify parce qu'ils mettaient des extraits. Dans chaque épisode, il y avait des petits extraits musicaux. Ah ouais. Et Spotify a dit, bah ouais, du coup, non. Ah, c'est intéressant. Et du coup, ils sont plus sur Spotify. Oui. Bon, écoute. Donc voilà, ça c'est, donc c'est sur toutes les plateformes de streaming à écouter. Ouais, voilà. Y a un livre aussi, moi, que j'ai beaucoup aimé dernièrement qui s'appelle Tout contre elle de Marie Chabrero. Ah, je l'ai reçu ce matin. Je commence aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Tout contre elle. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire. En fait, c'est une. Il y a un double sens ou pas? C'est une autofiction. Ouais. Bah voilà. Bah pas besoin d'en dire plus, c'est la fin de cette émission. C'est une autofiction d'une. C'est un point de départ d'une fille qui. C'est une autofiction. Qui a avorté à 13 ans et en fait elle essaie de remonter dans la. Je dirais. La rencontre contrariée de toutes les femmes de sa famille, en fait. Cette espèce de truc où elles n'ont pas su se rencontrer, se parler, se transmettre les bonnes choses. C'est sur la transmission. Exactement. Et du coup, c'est vraiment le point de vue de la mère, de la grand-mère, de la fille qui. Refuse de devenir mère très tôt. Et c'est j'ai trouvé ça assez beau. Mais elle est brillante, Marie. Moi, j'étais au collège avec elle et elle est psy aussi à côté. Elle est psy. Et elle est vraiment. Elle est assez brillante, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. J'ai hâte de lire. Et plein de choses que j'avais jamais soupçonnées. Où est le clitoris? C'était plein de trucs où non, je rigole. J'essayais juste de vous attraper. Non, mais il y a, en tout cas, il y a plein de choses que je trouvais hyper intéressantes et c'est ça qui est intéressant, moi, dans l'autofiction. Je trouve, c'est, tu rentres à des endroits d'un cerveau où tu n'avais jamais eu accès avant. Oui. Et là, j'ai découvert plein de choses sur, je sais pas, aujourd'hui, je m'étais jamais posé la question dans ma génération, la sexualité des filles au collège et le rapport. Je m'étais jamais posé ces questions. J'en ai déjà parlé 2 minutes avec des potes, mais d'un seul coup, tu rentres dans l'intimité profonde d'une féminité contrariée malgré elle. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Bah, ça donne envie. Tout contre elle de Marie Chabrero. Chabrero, chez Grasset. Donc voilà, c'est dispo. Exactement. Partout. Merci beaucoup. Alors, Chloé, en ce moment, tu travailles dur avec quelqu'un autour de la table. Mm-hmm. Le Jason Statham français, pour ne pas le citer. avec Adrien, tu peux le dire. Eh bien oui, on écrit ensemble un long métrage. Allez. Voilà, qui est produit par Nolita. Et on vient de. On est en train de finaliser la première version. Et on aimerait, si tout se passe bien, en touchant du bois, tourner cette année. Voilà. Ouais. Excellent. Génial, donc, parce que tu avais fait un court métrage et donc là voilà, c'est suite. L'adaptation du D'accord, cours okay. au long et okay. Donc voilà, Adrien jouait déjà, faisait une participation dans le cours et quand on a eu des prix avec le film et tout ça, l'idée du long est un peu arrivée sur la table et du coup il fallait que je cherche quelqu'un avec qui l'écrire. J'étais persuadée qu'il allait me dire non parce que je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Et finalement, il a dit oui. Et ce qui était drôle, surtout, c'est qu'en fait, la même semaine. Tu réponds déjà aux textos, c'était trop cool. Non, tu veux que je te dise. Même pas tu réponds moins que c'est moi, même pas les textos, c'est que la même semaine, on s'est croisés genre 2 fois, tu te souviens? Oui, par hasard. Oui. Par hasard. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, bah. Les fameux signes, pas d'un. Non, mais vraiment. Et donc, du coup, on est allé à une projo d'un truc, on est sorti. C'était catastrophique. Et ça avait mais démarrer 6 heures en oui, retard, c'était ça qui était affreux. Terrible. Moi, je n'aime pas les avant-premières. Mais le roi, c'était pas non plus une dope. Non, mais j'aime pas les avant-premières parce que je me dis, oh, on va attendre. Et là, l'attente était interminable avant que ça commence. Vous avez écrit le film là, putain. Ouais, on a écrit là en fait. C'était super. Et du coup, non, et je trouvais qu'il y avait plein de signes qui étaient sympas parce que déjà, de part, on rentrait de l'Alpe, toi, t'avais eu le prix, Nolita. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a eu le prix. Moi, j'ai la à chaque fois, je redis, mais j'ai une photo quand même de Flo, mais extraordinaire. Le mec, il vient de gagner le Grand Prix à l'Alpe d'Huez. On est un peu tous fatigués en gueule de bois sur le quai de la gare. Il a son singe, c'est le prix, à côté de lui. De 2 mètres de haut. Et un McDo. Et il est recroquevillé. La mort dans l'âme. Je connais assis personne. Sur moi, un sur le trottoir. Ouais. Elle est belle, bon, la nouvelle génération de l'audiovisuel. En train de penser à son Dyson. Putain, s'il savait. S'il savait que j'ai un Dyson. Là, vous me respectez pas. Je serais tellement cool à leurs yeux. L'ergonomie de cet aspirateur. Enfin, bon, bref. Mais donc voilà et non génial. Et du coup et j'en profite pour du coup je suis un peu voilà j'en profite pour dire un dernier truc c'est que je démarre un podcast qui s'appelle Mamie raconte-moi donc trop c'était c'était aussi le but de venir pour voilà tous les gens qui écoutent des podcasts voler vos auditeurs voilà voler vos auditeurs allez-y. Et qui sortira à la mi-juin début juillet et donc c'est en fait c'est un journal intime audio sur la génération de nos grand-mères qui n'ont pas forcément eu le droit de parole à l'époque parce qu'elles avaient des maris affreux. Ouais. Qu'elles avaient que dire de la merde sur tout ça en passé, mais voilà. Faut rétablir la vérité. Donc voilà. C'est ce qu'on verra. Et écoute, c'est ce qu'on verra. Donc voilà, on sort une première saison avec 10 grand-mères qu'on va interviewer dans toute la France avec Nouvelles Écoutes. Il y a ta grand-mère dedans ou pas? Ouais, j'ai commencé avec ma grand-mère. C'est tellement cool. Ouais, c'était trop cool. J'ai commencé avec ma grand-mère qui malheureusement elle est atteinte d'une leucémie et elle m'a dit vu que t'écris des films, tu peux écrire ma biographie. Je suis là, ouf. Ouais. Non, peut-être t'enregistrer, ça sera plus cool. Il y avait une mémoire dans la voix, moins de taf. Ouais, t'as dit déjà moins de millions, par exemple. Combien tu me donnes déjà? T'as une prod derrière. Tu sais qu'il y a un énorme business là-dedans. Du coup, je me suis renseignée en montant le podcast. Les vieux, sur les vieux. En fait, t'as des gens. Mais non, mais tu sais qu'il y a des gens qui gagnent mes max d'oseille en faisant où ils t'écrivent ta biographie, ils vont voir, où ils te font ton arbre généalogique, mais ils peuvent aller à des stades en mode, ils peuvent savoir que ton grand-père il a eu une liaison avec Micheline de machin du truc. Les Mormons ils tiennent un arbre généalogique mondial assez fou. Ah ouais, mais c'est fou et c'est hyper intéressant. Dans un lieu physique, et tu peux atteindre des niveaux mais laisse tomber quoi. Mais il y a une super série sur Arte Les Papillons Noirs. Ah oui. Qui était sur un mec qui écrit qui se fait contacter par un gars qui est en fait un tueur qui a jamais été attrapé, qui lui demande d'écrire sa bio qui est un espèce d'auteur. Ça se passe en Corse. Ouais, je crois. Ouais. C'est avec attends. Non, je dis de la merde. C'est avec Nils Harris Trupp. Alors ça s'appelle pas Les Papillons Noirs. Non, parce que ça c'est une autre série. De la merde. Non mais voilà. Non, c'est mais vu que quand t'as dit Arte, il y avait. Bon, ouais. Bon, voilà. Très bien. Super. Donc ça arrivera. Ouais, juin. Mamie raconte-moi. Ouais, ça s'appelle Mamie raconte-moi. Ouais. Bon, de toute façon, je le posterai sur mes réseaux. Mais oui, que joignez sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Mais non, mais ouais. Donc du coup, c'est cool. Trop bien. Du coup, c'est pour ça que je vous ai harcelé de textos. Mais non, pas du tout. On était ravis. Attends, au contraire. C'est ça où tout à l'heure tu disais que tu mettais pas de gros micro, toi, tu mettais ça parce que ouais, sinon c'est ça. Elle... En fait, le but, c'est que vu qu'elles racontent leur vie, et déjà toute leur vie, en fait, je les emmène marcher pour celles qui peuvent et qui ont l'énergie, ou même qui vont. Elles vont cuisiner un truc. Enfin, en tout cas, le but, c'est qu'elles oublient, tu vois, que le micro et qu'il y a une vérité qui sort. Donc, tu vois, de là, on a. Moins de pression. On a trouvé plein de grand-mères différentes, c'est trop cool, dont une raciste qui est super, très touchante, vous allez voir. On a hâte. Dur à trouver ça. En vrai, ce serait exceptionnel. C'est plus simple à trouver, je pense, une grand-mère raciste. Alors, exceptionnel, je sais pas si c'est. Non, mais je veux dire dans le sens où ce serait fou de. D'assumer ce truc-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément l'exception. Oui, oui. Ah oui, oui. Oh, elle est toute mignonne. Panayotis, ton spectacle. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il va falloir qu'on y aille. Entre les deux, parce que tu joues ce soir, tu fais plein de dates, comme j'ai dit, c'est quand même pas mal complet, mais t'as quand même Bobino. On a rajouté des dates. Pour rajouter, ouais. 2026, j'ai vu qu'il y avait pas mal de grosses villes aussi. Ouais, ouais. Ça se passe bien, t'es content, fin 25. Tu kiffes. Ouais, j'aime trop. Il est super, désolé, c'est en pareil, mais j'ai eu la chance de le voir et c'est vraiment. Ah, il est génial, marrant. Moi aussi, je l'ai vu. On dirait que je te suis partout. Je te lis, j'écoute, je regarde tout ce que tu fais. Non, mais c'est, j'avais trop besoin. Enfin, je trouve ça trop cool de partir un peu partout. En plus, hier, avant-hier, je jouais vers Bordeaux et c'était à Nice en première partie. Okay. Et c'est trop cool, on part vraiment là ce soir. C'était à Bordeaux ou à Nice enfin. C'était la ville de Nice en première partie. Oh là là là là. Et là ce soir, c'est Pierre Hilleret. Ok. Et il y a Louis Dubois. Enfin, on part vraiment en pote, en tournée. C'est trop marrant et j'aime trop la tournée. Donc, et moi, j'ai adoré la fin, surtout quand tu tues Hitler sur scène. C'est tellement beau. Donc voilà, et puis effectivement, il y a aussi ton livre adapté en pièce de théâtre. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment complet. Vous comptez peut-être. On a rajouté là des. Ouais, 15 exceptionnels à Paris, et on est sur la tournée. Là, on va bientôt annoncer la tournée. Génial. Donc la prochaine fois, tu m'enverras la poussière en pièce de théâtre. Ouais. Avec Vassili Schneider. Exactement. Et Yann Pradal. Exactement. Bon, trop cool. Merci beaucoup. Bah, merci, c'était vous. Cool. Merci. À bientôt tout le monde. Salut. Et ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.